Voilà. Voilà. Voilà, vous allez voir que on a fait passer la cousine, donc c'est-à-dire Ben s'est fait passer pour la cousine Charlotte en mode salope, et vous allez voir que le pervers est tombé en plein dedans. Voilà. Je peux vous dire qu'on était très très chaud. Ah oh, bah, oui. Vous faites un sacré couple les deux là, moi je vous le dis. Il s'est renfoncé les trucs dans le cul ou pas? Oui. Ah, bon, écoute, on va sérieux faire... À non, suivre. Vite qu'on écoute. Bah, ça sera après 22h. En tout cas, reste avec nous. On aura également le défi, hein, évidemment le fameux défi du jeudi. Voilà, autant vous dire que ça va piquer ce soir. Ouais, c'est moi qui l'a trouvé. Qui l'a trouvé, c'est moi qui l'ai fait le défi. Je pense que c'est un défi qu'on a déjà fait. Ok, hein. L'autre était faire des courses à carreaux, il est content. Eh ouais. Ah, t'as touché la caisse biroute ou quoi? Non. 22 centimes, il a dit c'est bon, la radio. C'est bon, j'en fais 4 dollars. Ah ouais, t'es quand même pas en L6, t'as touché la caisse biroute. C'est la radio qui a payé. Ah, c'est vrai qu'on est L6? Ouais. Ah putain, la CAF, c'est bientôt. Il parle. Il y a même pas un gosse. Bientôt. Okay. La question du soir également, si vous êtes pour ou contre la télé-réalité, ça va être un sujet, un débat ce oh soir. Non. Venez réagir en tout cas sur Facebook, évidemment, si vous souhaitez passer à l'antenne, parce que maintenant, depuis lundi, on vous l'a dit, si vous souhaitez passer à l'antenne, évidemment, vous envoyez tout simplement votre numéro sur la page Facebook Radio Mixfloor et on vous fait passer gratos à l'antenne pour parler notamment de ce sujet, si vous êtes pour ou contre la télé-réalité. On sera le jeu de 5 mots, évidemment, tout à l'heure avec Al. Ouais. Et puis on aura le canular du jeudi, je sais pas si vous connaissez le film Pulp Fiction. Pas du tout. Oh ouais. J'ai entendu parler, mais jamais regardé. C'est vrai, t'as jamais regardé? Ah, ouais. C'est un classique. Tu connais pas? Tu l'as déjà vu, Ben? Pas du tout. Non, je connais pas. C'est vrai, connaissais pas? Ok, bah, en Pulp Fiction, et on appellera McDonald's. Voilà, ça sera tout à l'heure dans le canular du jeudi. En tout cas, vous avez passé une bonne journée, tout le monde. Il a fait beau, mais il fait froid un peu partout en France. Ouais. Là. Ça caille des miches, comme il dirait dans le jargon. Mais c'est vrai qu'il caille en ce moment. Ouais, moi, j'avais une giflette, moi. Ouais, en l'espace de 12 heures, tellement il fait froid, moi j'étais en mode coquillage. Là. J'ai les couilles qui rentrent à l'intérieur. En l'espace de 12 heures, j'ai réussi à choper un rhume. Ah ouais, c'est vrai je crois que ça s'entend un petit peu. Je pense. Ah, moi aussi, je suis tout le temps la goutonnée, mais quand je vais pisser en fait. Le bout du nez. Bah, si t'as fait la taille d'année. Choupe là ta femme. Pourquoi tu crois qu'on m'appelle Pinocchio? N'importe quoi. Il y a le bout en bois. Voilà, restez avec toi en tout cas. On j'adore mentir. Du gros son, on aura le tout nouveau David Guetta là tout à l'heure. On est quasiment au week-end en plus. Hein? On est quasiment au week-end. Bah, on est en week-end. Hein. On est jeudi. Non, on est en week-end jeudi soir. Ah, nous on est en week-end ce soir. Ah, mais on est en week-end dès lundi à Radio Explore. Ça y est. On a également Maître Gims Niska. On était jusqu'au cou, elle voulait juste les papiers. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son job. Tu lui as tout donné. Tu payais même le loyer. Elle avait son job. Elle voulait juste les papiers. On avait trouvé un nouveau titre pour ça hier. En version ch'ti, elle avait son tchou. Elle avait son tchou, ouais. Elle avait son tchou, elle avait son tchou. Elle avait son tchou, elle avait son tchou. Ce sera évidemment tout à l'heure. Et la dernière bombe de Black M, moi je la kiffe. Askip. Askip. Allez, en tout cas, soyez bienvenus tout le monde, c'est parti Alex Libre Antenne, jusqu'à 23h, on démarre le week-end ensemble, évidemment c'est ici que ça se passe, en tout cas merci d'être avec nous, et puis on démarre évidemment avec une grosse bombe, j'adore ce son, Cashmere, ça s'appelle Invincible Children. Eh, c'est bon ça pour l'hiver, ah, bah, c'est Cashmere. Ah, bah, pour l'hiver, reste au chaud. Soyez bienvenus tout le monde, c'est parti Alex Libre Antenne jusqu'à 23h, bon courage à tous ceux qui peuvent travailler, et bonne soirée à tous ceux qui sont avec nous, merci de nous avoir choisi pour passer la soirée. Et un son qui donne envie de faire la fête là, il démarre le week-end ensemble. Cachemire à l'instant. Ce son vous l'entendrez peut-être dès demain soir à partir de 20h dans le Planet Mix, évidemment comme chaque vendredi soir. Soyez bienvenus tout le monde, l'émission s'appelle Alex Libre Antenne, on est là jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h. Antenne, mille poils de quoi quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la. On est là jusqu'à 23h en tout cas, merci de passer la soirée avec nous. Ça fait grave plaisir, Alex Libre Antenne du lundi au jeudi, ça se passe comme ça. Qu'est-ce qu'on va se faire tiens pour démarrer cette émission? On va démarrer tiens par le Info Intox avec notre ami Quentin, parce que j'aime bien cette rubrique. Intox, c'est Intox, non c'est faux. Intox. J'aime bien cette rubrique, donc on va démarrer par sa Info ou Intox avec notre ami Quentin. Quentin, je l'aime bien, mais la rubrique. J'ai. Oh le clash! Non, j'aime bien sa rubrique! Pète des marmissions! Je vais pas être d'accord là! Non, j'aime bien Quentin, j'aime bien sa rubrique! Ouais. Sa rubrique c'est pas pour moi! Non, il faut pas être con pour répondre aux questions! Ouais, voilà, tu sais, moi, je pense qu'il y a des auditeurs aussi qui ont du mal avec les questions! Ah bah ouais! Non mais ça va! Bah moi la plupart qui me parlent sur Facebook ils demandent à quand le pervers! En fait, ça y est, ça va arriver les amis! Pervers à partir de 22h là! Et le problème c'est que des nanas qui me demandent! Et que des cochons qui nous écoutent! J'ai rien fait! Qui viennent se toucher avec nous! Attends! T'as me faire baiser! Oh oui! Ouais, je balance pas les prénoms, mais il y a une certaine. Attends, j'ai quoi? Comme je disais, je balance. Ah ouais! Chienne. Ton clitoris commence à durcir! J'ai envie de te caresser la chatte là! Ah là là, c'est dégueulasse! Je balance pas les prénoms, mais il y a que Pauline qui est patiente. Pauline, je vais pas donner le nom de famille, mais Pauline écoute, est très cochonne. Il y a plein de gens qui attendent le retour. Retour des pervers en tout cas. Eh ben, ça va, ce sera après 22h et puis ce soir le retour de la cousine Charlotte qui sera la salope. Oui, ce soir. J'étais là. Ah oui, là là, je l'ai invité pendant 3 semaines à la maison, c'était super. On va bien se toucher l'anus. Oui, et puis la chatte aussi, il faut le dire. Oh oui. Bon, en tout cas, top ou flop. Info Intox, pardon. Info Intox, on t'écoute. Attention, grande question de culture générale. Ah, attention. Ben, il est hors jeu. Merde. Les gars, mettez bien vos casques. Ouais, bah, de toute façon. Alors, première question, la syllogomanie. Ok, ça commence bien. Ok, je suis déjà perdu. Je suis perdu. C'est quoi cette logomanie? Je crois que c'était joué. Et développe tes mots, explique. Bah, c'est-à-dire que t'aimes bien la silicone. Tu regarderas dans le dictionnaire. Silicone carnet. Ah, bah non, je suis pas d'accord. T'es pourri. Vas-y. J'aime bien le silicone carnet, moi. Ah, c'est trop bon ça. J'arrive pas à le trouver dans les fruits. Voilà. Silicone, ils en trouvent pas pour moi. Inch'Allah. Eh ben, il faut rigoler. Donc, première question. La syllogomanie, l'accumulation d'objets personnels qui ne sert à rien. Info ou Intox? Alors, attends, j'ai une chance sur deux. Ah, j'irai Info. Intox. Intox. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, en fait. Et Ben, il va dire exactement pareil que moi pour avoir. Mais il suit pas. Non, bah non, parce que c'est toujours Alex qui a raison. Est-ce qu'on peut voter blanc? c'est toujours Alex qui a raison. C'est quoi voter? Oh non, quand même. Je connais pas. C'est tous des cons. Moi, voilà. À chaque fois que je vais voter, il me donne un courrier, je crois que je la poste. Voilà. Il me donne une lettre, je croyais à la poste. Moi, je la prends chez moi, je le mets dans la boîte aux lettres. Non, mais j'ai jamais voté, moi. Hein? J'ai jamais voté. Mais t'as quel âge? Bah, j'ai que 20 ans. Alors, le droit de vote, ça partir de 18 ans, mec. Bah, non, mais t'as jamais voté. Bah, ouais, mais j'ai jamais voté. J'ai jamais été pour un président, quoi, j'ai jamais voté. Je croyais que c'était moi le président. Bien, ah, bah, c'est normal, le président, c'est tous les 5 ans, gros. T'es con, quoi. Ah, mais là, pour. Bah, si, là, le prochain tour, tu vas voter pour les présidentiels. Ah, oui, bah, oui. Ah, ouais, tu vas le faire. Il y a pas que pour les présidentiels. Faut donner bon exemple quand même. Ouais, je vais aller voter. Y'a pas que les présidentielles. Non, y'a pas que ça. Tu peux voter que pour les présidentielles, je crois. Ouais, moi je vote que pour ça. Bah, je vais voter que pour ça. Mais c'est le seul gars qui arrive dans le bureau d'élection et dit y'a quoi à boire à la fin ou pas? Si j'ai voté, y'a le verre de l'amitié ou pas? Il fait 6 ans quoi. Excusez-moi, j'ai voté, vous me donnez combien? C'est un CDD ou un CDI? Ça a l'air terrible le bordel quoi. C'est rémunéré combien pour ma voix? Attends, je me suis réveillé dimanche matin à 9h, c'est pas pour rien. J'ai voté, je peux prendre une bouteille en cadeau ou pas? Ah, j'ai joué à FIFA toute la nuit, je suis venu exprès pour vous. Si je vais voter, c'est pas au matin, c'est l'après-midi. Ah, l'après-midi, c'est fou quoi. L'après-midi à quelle heure? À 17h? Les bureaux de vote sont fermés. J'imagine bien belle personne, c'est avec le truc, c'est à voter. À voter! Vas-y, à voter, dis ta mère, t'as qu'à à voter toi! Allez, ça marche. Donc, bah, moi j'ai rien à foutre. Donc, la syllogomanie. Ouais, Intox. C'est un mot assez chelou, je vous l'accorde. Moi j'ai rien à foutre. Donc info pour toi, ouais, pour Intox, Intox. Ouais, Eben, soyons fous. Intox, et ben comme d'habitude, c'est toujours Alex qui a le bon mot. Tu vois, la prochaine fois, j'écoute Alex. Ouais, bah voilà. Ah, mais c'est pas pour rien que j'ai le God d'or aussi, les gars, en même temps. Ah, non, mais ça n'a rien à voir. T'inquiète pas, je vais te le voler. Ça, ce sera avec tonton Maddy qui sera. Mardi. Là, mardi, ouais, voilà. Donc, en effet, info Alex, exactement. Donc, écoutez bien les gens qui sont à côté de moi là. Ouais, j'écoute. Il s'agit bel et bien de l'accumulation de choses qui ne servent à rien. Comme par exemple. Ta gueule, commence pas. Vas-y. Comme par exemple des piles usagées. Oh, c'est bon. Des piles qui sont forcément usagées. Que faut vous les jeter dans les caisses au Carrefour là. Il y a des boîtes, trucs verts. Non, les gars, juste une info comme ça qui n'a rien à voir du tout avec la rubrique. Mais vos piles usagées en fait. Faut jeter. À la base. Non, ça se recycle. Non, mais les caisses, mais attends, dans les justement, caisses, bagnoles, dans... à la base, en fait, ils font des trucs genre aller les déposer dans les boutiques dans les boîtes vertes, dans les boîtes vertes et tout ça. Ouais. Mais c'est de la grosse merde, les enculés. Dans le cul. Les enculés se font de la thune sur notre dos. Tu sais combien ça coûte un kilo de piles usagées pour les industriels qui recyclent ça? Non. Tu leur donnes 22 euros, mec. 22 euros. Ah ouais. Un kilo de piles usagées avec les composants qu'il y a dedans, ça coûte 22 balles. Ça fait 3. Et nous, comme des cons, on les donne gratos pour s'en débarrasser. Mais bah ouais, alors, on s'en fout, qu'on les jette, on se débarrasse. Eh ben non, ils devraient faire un truc. Chaque pile usagée, c'est, admettons, une poubelle verte. 0,5% de tes impôts déduits. Ouais, là, je préfère que si je donne des piles, ça me donne un litre de Parce qu'on même de l'énergie. Ouais, je préfère. Genre, tu donnes un kilo de piles, t'as le droit à un litre de pinard. Eh ben, il y en aurait beaucoup plus. J'imagine une pile de bière. Moi, j'imagine bien, Ben. Excuse-moi, t'as des piles. Chérie, on peut plus changer les boutons de la télécommande. Sans moi, j'ai revendu des piles pour des bières. Chérie, revends ton gars, j'ai besoin des piles. Oh là, n'importe quoi. Donc voilà, donc c'est l'accumulation évidemment de choses qui ne servent à rien. Donc je viens de le dire, les piles usagées que vous laissez forcément dans un pot ou des trucs comme ça. Ouais. Et il y a surtout les stylos que vous laissez dans des trucs, même si l'encre n'y est plus. Moi, bizarrement, chez moi, j'ai des stylos, je galère toujours à en trouver. J'en ai plein, mais c'est la radio, on galère toujours à en avoir des stylos. Ouais, à l'école, je suis sûr qu'autour de cette table, il y a au moins quelqu'un qui a des stylos qui sont empilés dans un pot, qui n'ont plus d'encre et qui ne servent plus à rien. La seule fois que j'ai acheté les stylos, et c'était pas les stylos, c'était les crayons de bois. C'était pour l'école. C'était pour. C'était en 1960 et c'était qu'une plume. Non, même pas. C'était une plume d'oiseau là. C'était pour faire de la tapisserie parce que dès que je tapisse, en fait, je trace les limites de la tapisserie sur le mur et tout. Ouais. Donc tu peux pas acheter un seul crayon de bois, c'est pas possible. Attends, et là j'ai dû acheter un lot de 20. Ça m'a coûté pratiquement 5 balles parce qu'il y avait que ça en fait. Tu peux pas acheter une unité. Et j'en ai... Si à l'unité tu peux acheter dans les boutiques comme J'aime Majuscule ouais. et tout, ah ouais, mais ici à Calais, gros, il y a plus rien. Première ville de France. Sinon, tu fais un événement de Radio Mix Floor et tu gagnes des stylos. Hein. Okay. Sinon, tu prends événement Radio Mix Floor quand tu travailles pour la ville, on gagne des stylos. Sinon, tu prends un morceau de charbon du barbecue et tu fais avec un morceau de charbon. Moi, j'ai jamais acheté un stylo. Un fusain. Tu fais avec un fusain. Putain, il y a un bout de charbon. Moi, j'ai jamais acheté de stylo, les gars. Lui il est piqué. Moi je l'ai piqué au collège. Ça se ressent. Ali, c'est genre le mec au bahut qui gratte tout le temps. Excuse-moi, j'ai pas révisé. T'as moins de. Il arrive avec son sac Eastpak. Et c'est tout vide en fait. Il y a juste une pochette élastique dedans. C'est ça. C'est trop ça. Et un cahier grand carreau. Non, Ben il écrivait avec du citron. T'as déjà fait ça, écrire avec du citron sur un crayon? Sur un cahier? Écrire avec, ça t'efface. Avec du citron en fait. Un encre invisible. En gros, c'est une encre invisible et je sais plus avec quoi en fait tu reflètes un truc et tu vois ce que t'as écrit. Ouais, avec une lumière. Lumière bleue, je sais pas quoi. C'est ça, les trucs qui vendaient. Ça me fait penser aux stylos, tu te rappelles plus? Vous l'avez pas eu les stylos qui sentaient le chocolat, la fraise et tout là? Ah oui, ouais. T'as beau, j'étais le nez contre le cahier. Dis-toi, j'étais dans une classe, il y a un gars, il les a mangés. Putain, mais c'est parce qu'il y avait ça qui a bouffé ou quoi? T'es un Ben, il était dans une école pour handicapés. Non, mais j'étais dans une école, j'étais à Martin Luther King. Putain, c'est bon, t'es pas obligé de l'école. Ouais, et c'était où alors pour la petite anecdote? Ah, en section Kiki, ouais. Non, mais comment piquer le sac du Nike? C'est cool! Dis-toi, c'était en 5ème. Ouais, t'es dans 5ème retard aussi. Ah bah, gars, c'est pour les retardés ou quoi? C'est pour les retardés en fait. Ah, il fallait dire aux gars que les Restos du Cœur existaient. Non, j'étais en 3ème retard. En 3ème retard, en fait, il révisait le programme de CM2. C'est vrai en plus. De quoi le gars, il était en 3ème retard? C'est pas 3ème retard, c'est 3ème insertion. Et 3ème insertion? Tu croyais vraiment? Bah, non, mais en 3ème retard. Bah, apparemment, il est sérieux. Non, mais 3ème insertion, c'est ça, c'est pour les gens qui ont du mal, ouais. Ouais, c'est pour les gens. En insertion. Oh, c'est pour les gens qui ont du mal, en fait, ils révisent le programme de CM2. Oh, non, CM2. C'était 6ème, 5ème. Ah bah, t'inquiète pas, il y a des bonnes questions dans l'info-talk qui vont arriver pour toi. Non, mais c'est pour les gens qui n'aiment pas l'école. Ah, je sais. Ouais. Et ils font 3 semaines de cours, 3 semaines de stage. Ah, tu sais quoi, moi je suis allé à l'école jusqu'à 18 ans, mais j'ai sauté 2 classes. D'accord. Parce que j'étais. Okay. À la base, ils me prenaient trop pour un con, mais j'étais trop intelligent pour la section dans laquelle on est. C'était à quelle école? Ah ouais, moi j'étais dans l'école de bonne sœur, tu vois, école privée et tout. Pff, ah voilà, oui, merde. Jeanne d'Arc. Et toi, Alex? Ouais, j'ai fait Jeanne d'Arc. Tant qu'on y est, on va dire toutes les écoles de tout le monde. Ah bah moi c'était. Non mais c'était. Il était à Saint-Pierre. Ah bah non, si Alex, c'est Saint-Pierre avec nous. Ouais, j'ai fait les écoles. Non mais on s'en fout, les gens qui sont dans la France qui s'en branlent qu'on disait le nom de lycée. Oh mais on s'en fout. On est dans les écoles, on est très intelligents, on finit tous ensemble au même point, on est animateur radio et on est pas. Ouais, vas-y. Bon, la suite d'info intox, parce qu'on est à la bourse sur la pub. Voilà, deuxième info intox. Donc, on va parler un petit peu de la Seconde Guerre mondiale. Nous, de la Première Guerre mondiale. Ah, en peine, la date de la Première Guerre mondiale. 14-18. Oh, bravo. Ouais. Voilà, j'ai révisé comme un fou pour dire ça. Donc, vous savez, a déclenché la guerre. Ah merde, la question a pas posé. Boris. Ronald McDonald. Napoléon. Non, je te jure, je le savais. Jacques Chirac. Attends, je te jure, je le savais. Mais tout le monde le sait, gros. Bah non, pas moi. Bah je m'en rappelle plus. Vas-y, dis-le-moi. Bah c'est Hitler, couillon. Bah non, Hitler, c'est sur la Deuxième Guerre mondiale, non. Et il a fait la première aussi. Sérieux, c'est con là. Bah vas-y, la suite de l'info intox. Donc deuxième info intox, on est en plein dans le centenaire de la Première Guerre mondiale, ouais, vous savez, donc jusqu'en en 2018. Okay. Donc, la question. Vas-y. Donc voilà, donc la triple alliance durant la Grande Guerre était conclue entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Info ou intox? Ah, j'ai un tox. Je me suis du coup. Non, je le sais que c'est pas la Russie. Non, c'est pas la Russie, ouais. Voilà. Oh, intox. J'en sais rien, mais attends, il y avait la France, la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne et la Russie. Est-ce que c'est ça la triple alliance? Non, c'est ça que je veux dire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc c'est intox. Ouais. Intox, ouais. Intox, je pense. Hein. Vous avez tous raison. C'est bien. Ah bah voilà. Et le troisième, c'était donc hein? C'était pas les États-Unis, rassure-moi. Non, les États-Unis sont les derniers. Les derniers. Les États-Unis sont rentrés en guerre en 1917. Oh là, la troisième, c'était la Bretagne. Non, c'était pas l'Italie ou un truc du genre. Non, les États-Unis sont rentrés dans la. Non, guerre. L'Italie c'était pour l'Allemagne, gros, je crois. Ouais. C'était les fachos. Hein, ouais. En même temps. Donc voilà. Merci. Attends. Oh, ah, pardon, t'es doucement. Bah non, mais donc voilà, Intox, il s'agit de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie. Qui était dans la triple alliance. Voilà. Merci. Ah, l'Italie, tu sais, avec. Ouais. Avec la France. Ouais, excuse-moi. Bah, ouais, étonnant. Al, tu viens de me dire qu'ils étaient avec les Allemands. Alors ouais, mais attends, gros, en Italie, Mussolini et tout ça. Et donc, à côté de la triple alliance, il y avait la triple entente. Qui a été conclu par la France, la Grande-Bretagne donc, et l'Italie dès 1907. Donc 7 ans avant le début de la Grande Guerre. La triple alliance, voilà, c'était ça. Ouais, donc j'avais raison. Ouais, mais parce que si tu mets en pleine guerre 14-18 l'Italie et l'Autriche, gros, ça fait un peu. Mais j'avais raison. Ça fait un peu space. Hein. J'avais raison. Non, t'avais 7 ans de retard. Non, 7 ans, voilà. Ouais. 7 ans d'avance. Je vais me dépêcher parce qu'on est un petit peu à la bourse sur la pub. Donc, numéro 3. En gros, un ouf enculé, il y a la pub qui s'est pas lancée. Donc numéro 3, la France compte à l'heure actuelle près de 40 millions de travailleurs. Info ou Intox? Intox. J'ai Intox, ouais. Intox. Alors en effet, c'est Intox, ouais. Tu m'étonnes. On est 60 millions, il y a à peine la moitié qui bosse. Donc la population active représente quelque 28 millions de personnes. Donc il y a 15 millions d'hommes et 13 millions de femmes qui travaillent. Ouais. Parmi lesquels environ 10% sont à la recherche d'un emploi, donc il y a 10% de chômeurs. Et t'imagines, mec, sur 60 millions de Français, il y a 35 millions qui bossent, quoi. Ouais. Il y a juste 28 millions de personnes qui travaillent. Bah il y a moins de la moitié. Bah non, tu me dis 15%. Non, il y a du 28 millions. Non, il y a 10% de personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Non mais par rapport au pourcentage. Ouais, ça prend la tête. Ah ouais, 15 millions d'hommes et 13 millions. On prend la tête là. Donc parmi lesquels environ 10% sont à la recherche d'un emploi, l'agriculture occupe 3,4% des actifs. Ouais. Donc il y a 3,4% d'agriculteurs. C'est des pichards. 22% d'industriels. Merci de, pour les patates. Des personnes industrielles, voilà. Et le tertiaire, donc c'est tout ce qui est le tertiaire, c'est quoi déjà? Le commerce. Le tertiaire, c'est ouais. C'est le commerce. Ben, donc, tu peux m'arrêter la petite sœur s'il te plaît. Il y a trois quarts un des Français. Il y a trois quarts des Français qui sont dans le commerce. Thé, ouais. Vas-y, donne-moi sa tasse. Hein? Ah, c'est pas la tasse, c'est un verre. Ah, ouais, mais fais gaffe, le thé est froid là, c'est un thé à la menthe froid là. Donc merci en tout cas. Donc c'est à vous, Intox alors. Donc c'est Intox. Intox. Il y en a une quatrième. Hein? Vas-y. Quatrième. Oh merde. Tu vas aller relativement vite. La démocratie a été inventée en Grèce durant l'Antiquité. Info. Info, Intox. Info. Attends, en Grèce. Moi j'ai ça par des parce qu'il y a deux Intox. Ouais, moi aussi. Allez, info. Info. Intox, c'est Intox. Putain, info. Ben, ah bon. Ah, info. Oh merde. Ouais, j'ai eu bon sur toute la ligne. Info, oh, en effet. Bravo, mais... Tu sais. Hashtag j'ai la honte. Ben est plus et moins content. Donc ça a été inventé durant l'âge classique de l'Antiquité, donc soit au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, évidemment. Ouais. A savoir que le mot démocratie est l'origine grecque.

Allez, bonne soirée tout le monde. Le son de Martha Garrix à l'instant. Et grosse bombe dancefloor, j'adore. On est en direct hein, jusqu'à 23h. Welcome. Jusqu'à 23h. Avec Libre Antenne sur la dancefloor. Et j'adore ce son cachemire, évidemment, pour démarrer le week-end. Ça fait bien plaisir, en tout cas, c'est jeudi soir. C'est la dernière de la Libre Antenne. Demain, vous retrouvez moi. Évidemment, ce sera pas Quentin, c'est la semaine prochaine, Quentin. Dans le Pet Mix, évidemment, avec tous vos DJ préférés, vendredi, samedi soir, la plus grosse stuff de France, évidemment, sur Remix Flan. C'est évidemment Pet Mix, voilà. C'est ici que ça se passe, en tout cas, la plus grosse stuff de France sur le web, hein, je tiens à le préciser. Hein. Voilà, en tout cas, on est là ensemble, Alex Libre Antenne, jusqu'à 23h. Il y a Al qui est avec nous ce soir. Ouais. Il y a Ben, Quentin. Yes. Et il y a Quentin qui va se faire passer. Les gars, entre nous. Le yes, c'est à moi. Yes! Attends, allez, j'ai retrouvé le son. Il y a Quentin qui se fait passer pour Fanny ce soir en mode pervers, là, tout à l'heure. Et puis, et tu présenteras ta cousine également. Oui, c'est Charlotte, elle est à côté de moi. Oui, je suis là. Tiens, là, par contre, Ben, comment c'est pas crédible avec la voix. Non, j'aime bien, c'est la voix de Ben quand il joue oui. Il m'a piqué le mien. Il m'a piqué mon jouissement. Bon, en tout cas on est en direct évidemment là jusqu'à 23h. En tout cas merci de passer la soirée avec nous. Bah n'hésitez pas en tout cas. Est-ce que vous êtes pour ou contre la télé-réalité les gars? C'est la question du soir en tout cas. C'est la question qu'on vous pose. En tout cas beaucoup de réactions là par rapport à ça. Si vous êtes pour ou contre la télé-réalité. Je suis contre les mecs qui se pètent en disant qu'ils connaissent des gens de télé-réalité. Est-ce que vous êtes pour ou contre la télé-réalité? Bah tiens, on va commencer par Quentin. Quentin, est-ce que t'es pour ou contre la télé-réalité? Moi je suis contre, complètement contre. Alors pourquoi? Parce qu'en fait c'est des mecs qui se font voir aux caméras, voilà, torse nu, tous les abdos qu'ils veulent. Ouais. Et ils gagnent des milliers d'euros alors que t'as des gens qui sont en train de crever sur des chantiers, des trucs comme ça au plateau. Exactement. En plein... Pourquoi nous on n'est pas dans des télé-réalités quand voilà. On n'a pas des cornes athlètes nous, tu vois, on a un petit bide et tout, on a des petits bourrelets. Ça on c'est la bière, on c'est pas grave. Merci l'alcool. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu ça en tout cas. Donc est-ce que vous êtes pour ou contre la télé-réalité? C'est la question qu'on vous pose évidemment ce soir. N'hésitez pas évidemment, Ben est standardiste ce soir. Yes. Il s'occupe évidemment de prendre tous vos numéros pour passer à l'antenne. Voilà. Bah, d'ailleurs on a quelqu'un avec nous là, on a Axel qui est avec nous. Allô Axel. Allô. Salut, ça va ma chérie, la forme, t'as quel âge et tu viens d'où toi? J'ai 15 ans, je viens de Calais. Oh merde. T'as dit ma chérie, ça coûte 5 ans avec mon avocat et des bonnes oranges. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Bah, salut, et toi, salut. Et toi, tu fais quoi dans la vie? T'es au lycée? Au collège? Au lycée, ouais. Bah, 15 ans, je suis au lycée. Au lycée, ouais. Tu veux faire seconde. Quoi? Tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas. Ah, tu sais pas encore. Bah, ouais, tu m'étonnes, ça viendra avec 15 ans, tu m'étonnes. Elle veut être chanteuse. Ah, tu veux être chanteuse? Oui. Ah bah en tout cas c'est très compliqué, mais en tout cas c'est tout le je bonheur. N'ai qu'une philosophie. Le bonheur que je te souhaite évidemment pour réussir dans ce milieu évidemment. Ouais, mais à 15 ans tu peux pas lui souhaiter ça gros, parce que dans ce milieu il faut sucer quoi, c'est le bordel. Oh, oh, mais... C'est vrai. Mais c'est vrai quoi. Mais non, c'est pas vrai. Voilà. Bon, c'est pas vrai. Ben, tu veux qu'on fasse une chanson à deux quoi? En tout cas Eric lui, s'il peut te produire, il le fera. Ça me fait plaisir. Bon voilà, en tout cas si la vie. En plus il pose la question avec gentillesse. Ah ouais, bah, voilà, c'est ça. Bah. En plus alors, il va commencer pendant que tu parles là. Branlé, ouais. Oh là là, arrêtez les gars, elle a que 15 ans quoi. Elle a 15 ans. Ah là là, oh, c'est petit. Ça débute tout, hein. Ouais, voilà. Bon, ça craque à cet âge-là. Est-ce que vous êtes pour ou contre la télé-réalité? Bah, toi, Axel, est-ce que t'es pour ou t'es contre la télé-réalité? Je suis pour. Alors, pourquoi? Tu m'étonnes. Qu'est-ce que tu regardes déjà comme télé-réalité? Qu'est-ce que tu regardes comme télé-réalité, toi? Les ch'tis. La référence. Marseillais. Et on embrasse. On embrasse Charles V. Ah, Charles V. Charles V, ouais. Qui est notre fidèle auditeur. Il les aime bien. Et donc, pourquoi t'aimes bien, toi, la télé-réalité? Ça te débat un peu. Pour les embrouilles. Étonnant. Ah ouais, pour les embrouilles. Ouais. Mais c'est tout le monde regarde pour les embrouilles, apparemment. Ouais, c'est ça. Tout le monde regarde pour ça. C'est un peu ça. Après, t'as les dessous de la télé-réalité aussi. Tout le monde regarde pour les embrouilles et pour la baise. Ouais, c'est ça. Bah, s'il y avait pas, ça serait nul. S'il y avait quoi? S'il n'y avait pas, ça serait nul. Bah après, t'as des choses un peu plus culturelles quand même, quoi. Ouais, mais Axel, tu sais que pour la baise et les embrouilles, t'as les films de cul aussi. Non, t'as les films. Non, c'est bon, les Marseillais, c'est bien. Les films érotiques. Non, chérie, Jackie ne fait pas ça. Oh, non, non. 2 secondes après. Ça fait un peu ça. Tout à l'heure, justement. Sarah, tu trouves pas la voisine super craquante? Moi, dès que je la regarde, j'ai mon caleçon qui se dresse. Ouais, ça fait ça un peu. Avec Fanny et Charlotte, ce soir, qu'on retrouve à partir de 22h et pervers, ça fait bonsoir, Fanny, tu vas bien? Oui, ça va, et toi? Bonsoir, très bien, merci. Oh, tu es venue avec ta cousine? Oui, c'est Charlotte, je te la présente. Bonjour, Charlotte. Bonjour. Oh, je crois que je vais faire déborder la canonnière. Oh, ça m'excite. Oh, je suis le pompier, je vais te faire monter le tuyau. Montre-moi ta quéquette. Bon allez, vas-y. Donc Axel, toi t'es pour, t'as bien ça. Tu regardes que les Marseillais, c'est ça? Les Marseillais, les Ch'tis, tout ça. Tu regardes pas Secret Story? Ouais. Les Anges aussi des fois. Ah mais les Anges, ça fait un petit moment depuis l'année dernière. Ils font plus ça, les Anges. Ouais, ils font plus. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Ouais. Tu regardes Secret Story ou pas? Non, j'aime pas. Et tu regardes Question pour un champion ou... non plus. Ah, tu m'étonnes, y a pas de baisse dedans. Je suis. Je suis le gars qui t'a fourré la queue au bout de 15 cm. Je suis le gars qui t'a fait jouer et qui t'a fait découvrir Femme Fontaine. Je suis. Ben. Ben, c'est je suis le réparateur. Je suis Eric. Je commence à me branler, ouais. Bon, en tout cas, Axel. Et donc, pour toi, est-ce que c'est bien d'être plutôt sur ces chaînes-là? Parce que c'est vrai que maintenant la télé-réalité s'est passée plutôt sur la TNT, c'est-à-dire TMC, NRJ12, W9 aussi. Donc, pour toi, est-ce que c'est bien comme ça ou je t'en fous? Ouais, je m'en fous. Voilà. Et est-ce je m'en fous un peu, ouais. Et c'est la question que je te demande. Est-ce que t'es le genre de fille, par exemple, s'il y a une finale, de dépenser de l'argent dans des SMS surtaxés? Ah bon. Non, pas du tout. Ah non, bon, ça va. Ah, tu m'étonnes. Hein. Ça, c'est un bon point. Au moins, c'est pas une pigeonne. En même temps, gros, t'as oublié, elle est de Cali, quoi. Ouais, on s'en va, ouais. Bon, en tout cas, bah, merci Axel pour cette petite réaction. Donc, toi, t'es plutôt pour la télé-réalité, tu veux que ça continue, c'est ça? Oui. Voilà, et bah, en tout cas, merci Axel. Une dédicace avant de quitter ce soir? Merci. Non. Bon, ok, bah, comme ça, c'est dit. D'accord, non. Ça c'est. Même pas une dédicace à Ben, parce que Ben, il voulait une dédicace, là. Je voulais pas une dédicace à Ben. T'as vu ce qu'elle a répondu? Qui? Ben. Ah bah, petite dédicace à Ben alors. Ah, Benny, ou... ah et nous, merci pour nous. Et nous, on sent le pâté ou quoi? Nous, on pue. Jaloux. Bah, vous, je vous connais pas. Mais si, tu nous écoutes toute la semaine. Normalement. Amito, je t'ai invité sur Facebook et je t'ai dit que tu chantais bien. Regarde-le, il rappelle non plus. Ah bah, c'est gentil. Il parle de moi, le tonneur. Non, les gars. Non, bien. Non. On remet les choses. Appelez-moi Teddy, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai qu'elle chante bien. C'est vrai qu'elle chante bien. J'ai envie de te caresser la chatte là. Non, sérieux, on peut parler sérieux pour une fois. Elle chante bien. Ah, non, mais je sais pas, mais j'ai pas entendu. Est-ce que tu peux. Parce qu'apparemment, t'es chanteuse, c'est ça? Oui. Ouais, tu peux me chanter un petit truc à la cape là? Vas-y, profite, on dirait dans toute la France. Profite, peut-être que t'auras un producteur qui va te. T'auras peut-être un vrai producteur qui va te. Bah, je sais pas ce que tu veux. Y'a Matt Pokora qui t'écoute. Tu chantes Les Bronzés font du ski, je vois. Les Bronzés font du ski. Elle est Bronzés font du ski, gros, elle a 15 ans, elle connaît même pas, t'es fou quoi. Je sais pas, tu. Je sais pas ce que tu veux, c'est un truc que t'as entendu, un petit truc à cap là vite fait, avant de nous quitter. Au pire, on l'invitera ici à Capella. Ouais, vas-y. Ok, ça marche. Bah, si ça m'arrange maintenant en fait. Attends, je vais dire. Elle branche son micro, elle met la réverb, elle met sa robe. Elle est en train de surcoiffer les cheveux, attention. Surcoincer les cheveux. Surcoincer. Ah, fais gaffe parce qu'après, si plus je vais perdre de temps, plus. Tout commence à durcir. C'est bon, quoi. Donc. Ça va me faire BG. Ok, t'es prête? Ah, y'a grand-mère derrière qui gueule. Okay, grand-mère gueule derrière. Il va se coucher. Bah, alors, t'es prête? Un petit morceau à cap, là, vite fait? Ouais. On va la boire, vas-y. Ouais. On t'écoute. Bon, maintenant, ça m'arrangerait. Ah, par contre, il faut changer de fournisseur téléphonique. Ouais, ça fait vibreur comme SMS. Non. Ah, moi je sais trop à la mise. Mais ça vibre sur les paroles. C'est les paroles. C'est les paroles ou ça bug comme ça? Non, mais je crois qu'elle a mis le haut-parleur. Non, je crois qu'il y a le bug. C'est Beyoncé ça, ouais. Ah, bah bon. Allo? Mono! Allo? Ah merde! Elle est morte dans son. Je dis, c'est Beyoncé ça. C'est Beyoncé ça ou pas? Oui, c'est Beyoncé. Ah voilà. Ouais, mais juste un conseil, ne chante pas par téléphone parce que ouais, retire ton haut-parleur. Tu viendras pour les 6 ans de la radio. Pour faire un petit. Tu retires le haut-parleur? Ouais, retire ton haut-parleur et tu refais un petit morceau vite fait là. Vite fait parce qu'on a la bourre là. Ok. Vas-y. Ok. Vas-y, c'est parti. Sans la musique et tout, c'est quoi, un karaoké du camping. She's all lonely, what I can, the way I feel, the way I feel, I'm standing still, and nothing I'm man and I am not here, so where are you, I'm calling you, missing you, Where else can I go? Where else can I go? Chasing you. Ah ouais, tu chantes bien là. Chasing you. Voilà, calmez parce qu'on va faire la version remix, ça va durer 6 minutes. Bon, en tout cas, super. Non, c'est bon, merci en tout cas, Charlotte, on peut l'applaudir évidemment. Il faut être. Ah putain, ouais, elle est à la limite, les gars, faut, attends, être, faut être sincère. Il faut pas qu'elle chante par téléphone, faut qu'elle vienne nous voir. Ah non, mais même par téléphone, ça s'entend. Tu l'as appelé Charlotte. Ah ouais, j'ai appelé Charlotte aussi. Oh, j'étais pas. C'est parce que je t'ai regardé toi. Ah, Axel, excuse-moi, Axel. Bah, excuse-moi, Axel. En tout cas, très belle voix. Hein. Beaucoup de réactions, là, beaucoup de messages. En tout cas, très belle voix, nous dit Teddy, là, côté message. En plus, c'est le premier message qui va arriver à l'esprit. En plus, c'est vrai, c'est pas une connerie. C'est pas... Attends, il y a Mathieu qui dit très belle voix. Pourquoi tu fais pas The Voice qu'on nous dit là côté message? Oh, mais en même temps, les gars, faut pas. Pourquoi pas tu fais pas un concours, concours de. Elle a que 15 ans aussi, les gars. Ouais, elle a encore le temps. Bah, ouais, mais imaginons, je vais à The Voice et puis je fais la première audition. Il y a personne qui se retourne. Moi, je rentre plus chez moi après. Ouais, mais c'est le risque à prendre. Ah, bah oui, tu vas être artiste, forcément. Les défaites font améliorer les choses. Okay. Oh, moi j'ai la surprise pour que tout le monde se retourne. C'est mieux tomber pour mieux pour mieux, je sais plus quoi. C'est Ben Freud. Tomber, bah non, tomber pour mieux se relever. C'est l'archem après. De quoi? C'est l'archem après. Moi, je voudrais plus rentrer chez moi. Je vais plus au lycée, rien du tout. Hein. Ah bah, tu crois qu'elle faisait comment, Louane, avant? Abel Bent. Bah, je sais pas. Je suis pas Louane, moi. Ouais, bah, elle faisait les cours et puis elle faisait en même temps. Même L.I.J. là, tu connais le groupe L.I.J. L.I.J. De qui? Les trois filles, L.I.J. Non. Mais si, bah, si de nom, elle connaît pas, mais si tu mets la musique, elle va connaître. Ah, ouais, ouais, faut trop la musique aussi. Ouais, mais là, j'ai pas envie. Mais je lui enverrai. Mais ouais, bon, en tout cas, mais si, mais il faut tenter parce que t'as une très belle voix, en tout cas, mais entraîne-toi. Et puis voilà, mais en tout cas, on te retrouvera avec plaisir à la radio si tu voudrais venir un petit tour une fois à la radio, voir comment ça se passe et puis faire découvrir ton talent. Ça marche? Avec plaisir. Je te souhaite une bonne soirée, Axel, une dédicace. Bah, tu l'as déjà fait, dédicace pour Ben. Bah, on te souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On te fait plein de bisous. Ouais, merci, bisous. Très, très jolie voix. Salut, bisous. Ciao, ciao, ciao. Salut, en direct évidemment là jusqu'à 23h. Merci de passer la soirée avec nous. On sera David Guetta évidemment. Il est pas mal ce son, j'adore moi. Avec. C'est le son du week-end. Bon, c'est le son tout court en fait. Donc on n'a pas demandé à Ben si t'étais pour ou contre la télé-réalité, Ben. Avant j'étais pour. Pourquoi? Parce qu'il bon les rênes, c'est. Non, c'est bah, non, parce qu'avant j'aimais. Avant bien. Oui, plus maintenant. Non, avant j'aimais bien. C'était avant. Avant j'aimais bien les embrouilles tout ça. Ouais. Mais maintenant en fait plus grandi plus je m'en bats les couilles en fait. Ouais. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est bien, t'as grandi dans ta tête. C'est un peu ça l'idée, ouais. Bon, en tout cas, c'est ce que je me disais, ça fait 5 ans que je me dis quand je grandis, mais en fait ça change pas. En tout cas, beaucoup de réactions là par rapport à ce soir la télé-réalité. Est-ce que vous êtes pour ou contre en tout cas la télé-réalité voilà, en tout cas, beaucoup de réactions par rapport à ça côté Facebook, en tout cas, et même côté standard. On accueille. Allo, on a qui à l'appareil là? Oui, allo. Ah, on a Romain, oh, merde. Notre Romain national là, de Marseille. Ça va, ouais. Romain, ça va, Romain de Marseille? Bof. Ah, vous devez. Ah, ça y est, Romain est déprimé. Il passe à l'antenne et il nous casse les couilles. C'est le seul Marseillais qui a du soleil et qui est déprimé, quoi. Ouais, en plus, ouais, qu'est-ce qui s'en repasse? Non, il, a, il pleut aujourd'hui, il pleut. Ah, c'est bon ça. Mais ça va, t'habites Marseille, la Canebière et tout, la bonne mère et tout, arrête. Hein. Il pleut, mais fait 28 degrés. Et malheureusement, c'est un béquet depuis 3 jours, je peux plus marcher. Ah, bah, il faut t'acheter des jambes, gros, qu'est-ce qui se passe? T'as essayé de te branler avec ta jambe? Quoi? T'as encore rencontré une meuf chelou en boîte, toi? Non, je me suis pété la gueule sur un rocher. Aïe. C'est tout, c'était dans les calanques. Dans les calanques. Non, c'était en bas de mon trottoir, il faisait des travaux. C'était dans les calanques. Non, au Frioul. Où ça? Au Frioul, c'est une île à. Non. C'est une île à une demi-heure de Marseille, en fait. Mais qu'est-ce que tu foutais à une demi-heure de Marseille à côté de ta ville? Bah, ce qu'il veut, ça, mais il se promène. Ouais, mais bon, c'est calme là-bas, y'a personne. Ouais. Bah, est-ce que toi, t'es pour ou contre la télé-réalité, toi, Romain? Moi, c'est pour les deux, en fait. Pourquoi? Pour quand il y a des bonnes émissions et contre quand il y a des émissions pourries. C'est-à-dire pour les bonnes émissions, quelles sont les bonnes émissions? Quand on les voit en FM. Genre téléfoot, des choses comme ça. Il n'y a pas compris, je prends la question. contre, par exemple, Resto Rigi, les trucs de merde, quoi. Donc, t'es contre la télé-réalité, parce que ce Castori, c'est de la télé-réalité. Ouais, mais c'est pourri. Ah voilà, donc t'es contre. Bah, c'est les deux en fait. Ah, téléfoot, c'est pas de la télé-réalité, mon pote. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. Téléfoot, téléfoot, c'est pas de la, c'est de la télé-réalité, il a dit. Oh là là. Téléfoot. Mais non, mais sérieux, téléfoot. Ah, mais c'est pareil, les Marseillais, on comprend tout. En fait. La télé-réalité, c'est genre Secret Story, c'est les anges, c'est les skis, temps, les Marseillais. Tu comprends pourquoi j'ai mis les codes de filles, quoi. T'as, on comprend les supporters de Marseille qu'on écoute. Hein. Ouais. On comprend les supporters de Marseille quand on écoute. Tous des footix. Ah mais grave. Oh là là. Ah mais grave. Putain. Bon apparemment il aime pas le foot. Bah attends, il aime bien téléfoot. C'est qu'il aime le foot. Ouais. Bah ouais, c'est là-bas, c'est les foot. Merde. Et donc bah, t'es Marseille, téléfoot, forcément. Quoi, donc, T'aimes Marseille. Bah ouais. Pas de Paris. Ouais, bah c'est à Marseille, c'est Romain le Marseille, oui, Marseille. T'aimes bien les. Non, je vais me trimballer à, Paris avec un maillot de Paris, ouais. De loin, hein, je vais me faire démonter. Super. Donc t'aimes bien Marseille. Non mais je suis pas Marseille. En fait. Je suis pas marseillais à la base, hein. J'aime pas Marseille en fait. Et c'est quoi cet accent de merde alors si t'es pas marseillais? C'est je suis comme Ben, lyonnais. Ah. Non, non, là il me suce la bite, c'est tout. Pas une fois qu'il n'a qui suce la bite. Non, non, je vous le jure. Je vous envoie la photo de ma carte d'identité, il y a marqué MD à Lyon. Rhône-Alpes. Oh, c'est Jean-Pierre, le canavier, la canavière, Jean-Michel, tu dis de Wendy. Et on lui paie le roi, le français, le pire. Oh, ma fille, elle me saoule. Vous pouvez pas arrêter le cadavre de Marseillais, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Marseille, Marseille, en tank. Et de quoi, pourquoi t'es contre du coup la télé-réalité, toi? Tout le temps les mêmes trucs, ouais, tout le temps c'est les mêmes têtes, les gens chelous en fait. Ouais, c'est vrai, c'est toujours la même chose en France. Les gars, j'ai Jojo qui nous dit la télérité c'est de la merde, tous des grosses putes. Ouais, c'est vrai. Exactement. Hein. Après, chacun a son truc. Hein. Après, si ça marche, c'est qu'il y a une raison. Moi, j'y paye rien foutre. Vous avez vu la nouvelle chroniqueuse de TPMP qui s'est fait insulter pour ça? Ouais, parce qu'elle a traité les nanas de pute. Parce qu'elle a traité les nanas de pute. Ouais, mais en même temps, bravo pour elle, quoi, elle a raison. Bah, ouais. Non, mais c'est vrai, elle a raison. Tu dis qu'il gagne des masses, mais il gagne pas des masses. Si. Non, il gagne pas. Attends. Non, Charles, les chiffres, quand on l'avait reçu, ils gagnent pas des masses par épisode. En fait, ils sont plus payés pour le booking qu'ils vont après, tu sais, quand ils finissent le. 5000 euros une saison. Non, c'est pas vrai. En tout cas, Charles, c'est pas les ch'tis, c'est pas ce qu'il m'a dit. C'est Charles qui l'a dit. Ah non, bah c'est Charles qui me l'a dit. Arrêtez, ouais. Mais il m'a pas dit ça, et en gros il est payé plus, ils sont payés plus pour faire genre les bookings de club. Tu sais quand ils sortent du non, truc, ouais, non, bah, ils se vendent en discothèque et bah, ils gagnent plus leur argent comme ça en fait. Ils gagnent leur argent comme ça, mais ils sont payés 5000 euros par la prod, par saison. Ouais, par saison. Bah 5000 euros par saison. Ouais, gros, tu vas à Las Vegas. C'est pas énorme 5000 euros là-bas. Mais non, mais attends, de où tu vas à Las Vegas pour faire une télé-réalité, gros? Mais t'es un dingue ou quoi? Mais non, mais gros, ils ont fait acheter à Las Vegas. Dis-toi, ils vont à Las Vegas, ils ont 5000 euros pour une saison. Plus l'argent qu'ils gagnent là-bas et la bouffe, elle est payée. Le voyage, tout ça, tout est payé. Et alors, mec, 5000 euros. Quand tu fais de la télé-réalité, t'as une chance sur deux de te faire passer pour un bouffon, surtout si t'es ici de Calais ou du Nord, quoi. Un bouffon, mais gros, quand tu vois la thune qu'ils ont maintenant, ils sont Que moi, et Alex et moi et d'autres personnes qui faisaient partie de la radio à la base, on a refusé une télé-réalité. Ouais, c'est vrai. Vous auriez dû faire. C'est qui nous l'avait proposé? C'était Guillaume Play d'Energie. Guillaume Play d'Energie, en fait, il nous a proposé. On est arrivé là-bas Energie, en fait, pour un. On faisait le salon de la radio, on va expliquer vite fait. Non, en fait, c'est pas vrai, on voulait être racheté par Energie, mais on a refusé. Et voilà, non, mais on se promenait sur Paris, on faisait le salon de la radio à Paris, et on s'est fait repérer par Guillaume Play. Voilà, on était en mode en train de faire des conneries. Et le mec nous a proposé de faire la nouvelle émission à la base, il y a quoi? C'était Road Trip, tu sais, tout sur Energie 12 là. Vous partez entre jeunes. Donc on était à 4, on était une bonne bande. C'était lui qui l'animait à l'époque. Une bande de potes et il voulait faire road trip. Il voulait qu'on fasse road trip. Ouais, et après, à nous envoyer les contrats et tout, à passer le casting. On a refusé. Mais quand on a vu les contrats arriver et le casting, on a dit non, ça nous intéresse pas, c'est une télé-réalité, mec. Bah, le truc, c'est qu'il y a pas de moins de quand tu vois le truc, heureusement qu'on l'a pas fait, quoi. Parce que, Moi, j'aurais accepté. Ouais. Mais okay, non, toi, mais non. Tout, en même temps. Bah non, mais je kifferais passer à la télé, sérieux. Toi, t'en fonces un cul d'un effort pour une expérience, tu le ferais. Bah, en tout cas, ça dépend si c'est bien payé. En tout cas, merci Romain, la Marseille, une dédicace avant de nous quitter. Là, ce soir, on t'écoute. Là, vas-y, lâche-toi. Ouais. Bah, dépêche, on n'a pas le temps. Dépêche, on n'a pas le temps. Je le fais après la télé. Ah merde. Déjà à toute l'équipe. Comme d'hab. Ah, mais je suis pas là, moi. Ah, bah tant pis, hein. Ça fait la gueule, ça change pas. Ouais, mais en même temps, t'as qu'à arrêter de me casser les couilles. Je te casse pas les couilles. Mais hein, non, tu dis bonjour et tout. Mais je plaisante. Bref, on va pas raconter la vie en privé ici parce que. Je plaisante. Par contre, on traite pas mal sur Facebook au bout d'un moment, faut arrêter. D'accord, attends, tant pis. Mais quoi? Hein? Allô? Tu dis quoi, ouais? À Mathilde, la blonde du Nord. Ouais, ouais. Casse. J'ai commencé à me branler, ouais. Hein? fous. C'est pas grave, vas-y, continue ta dédicace. T'as envie de faire busy. Ben, tout le monde, comme d'hab, quoi. Zozo, Geoffrey, Alison, Ben, okay. Merde, Alexis, Quentin et Ben, et alors un dernier, quoi. Il y a encore un petit bien doigté aussi, en fait. Eh, mais tu regardes, ils ont la même voix en vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, dédicace, bah, dédicace. Bah, en tout cas, merci à toi, Romain, là, du côté de Marseille. On te souhaite une très bonne soirée. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir là. Ben, rien. A bientôt, ciao, ciao, ciao. Salut, salut. On est en direct évidemment là jusqu'à 23h, bougez pas, on se rejoint évidemment avec la dernière bombe de Sia, on se fera dans quelques instants. J'adore ce son. On aura évidemment dans moins de 10 minutes le retour des pervers également. Ah oui, on est chaude, hein. On est très chaude. J'en tremble. On se fera Sia évidemment. Ça ira tout à l'heure, on se fera également le top ou flop ce soir. On a également, qu'est-ce qu'on a dans le canular du jeudi là, on se fera passer, si vous connaissez pas, vous Pulp Fiction là, les morceaux non, du film moi Pulp je Fiction. Pas. Non, pas on, a, on a appelé McDo évidemment avec. Donc ce soir on vous l'avait promis, une grosse émission. On peut faire un petit point vite fait avant la pub là sur la coupe du Coupe du Monde. On le fera après la pub. Les qualifs, non maintenant. Non, on le fera après la pub. Non maintenant. J'ai pas mon téléphone. Eh ben Quentin. Putain, attends, alors je vais aller mettre sur putain, la télé. Putain, les gars. Mon téléphone, il y a tout. Allez, stop, pire que des fonctionnaires, celui dans cette radio. Vas-y, attends. Un petit point, un qualif, en tout cas, parce qu'il y a des matchs de pays, là. En tout cas, l'Italie-Espagne qui joue, là. Savoir, ça démarre il y a une heure maintenant. Donc, savoir combien ça fait, là, pour l'instant, parce que c'est la mi-temps. On t'écoute, là, ça donne moi, ce combien. Moi, je dirais 2-1 pour l'Espagne. Attends, j'ai l'application qui bug. Ah, mais tout qui bug dans le bordel. Bon, ah, ça donne combien. Attends. Moi, je dirais 2-1 pour l'Espagne. Ouais, peut-être que l'Espagne gagne, ouais. C'est en Europe. En Europe. Ok. Ça marche, tac. Alors, Autriche-Pays de Galles, 2-1 pour le Pays de Galles face à l'Autriche. Ouais. Moldavie-Serbie, 2-0 pour la Serbie. Irlande-Géorgie, 0-0. La Macédoine face à l'Israël. L'Israël gagne 2-0. J'aime bien la Macédoine. C'est bon la Macédoine avec un peu de maillot et tout. Moi, je préfère le taboulé. Macédoine, la Macédoine, n'importe quoi. La Macédoine. La Macédoine ne perd 2-0 face à l'Israël. Ouais. L'Espagne-Italie, 0-0. Ils ont lâché une bombe. L'Espagne-Italie, 0-0. Le Liechtenstein face à l'Albanie, 1-0 pour l'Albanie. Oh merde. Islande-Finlande, 2-1 pour la Finlande. Turquie-Ukraine 2-1 pour l'Ukraine. Ouais. Enfin, je galère. Ouais. Et Croatie, Kosovo-Croatie 3-0 pour la Croatie. Ça existe encore le Kosovo? Apparemment. Ouais, carrément. Kosovo-Croatie 3-0 pour la Croatie. Mais franchement, ils ont une putain d'équipe de foot. Hein. Ah ouais? Non. C'est la seule équipe qui a que des joueurs à une jambe à cause des bon, en tout cas, merci de passer la soirée avec nous. En tout cas, on est là jusqu'à 23h. Merci d'être avec nous. On bouge pas. À tout de suite, les amis. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. À 200 mètres, tournez à droite. Il faut vraiment que je trouve un garage. Allez sur idgarage.com. Pardon ? Sur idgarage.com, comparez les devis en ligne des garagistes près de chez vous. Lisez les notes et avis laissés par les clients et prenez rendez-vous sur Internet. Oh, très bien, merci. Vous avez oublié de tourner à droite. Oh, pardon. Idgarage.com, changez d'idée sur les garages. Conditions et détails de l'offre sur idgarage.com. Top raison numéro 4, d'être Sam ce soir. Ton compte en banque, tu sauveras. Allô, Monsieur Lartaud. Thierry Piquetou, votre banquier. Il s'est passé quoi hier soir, Monsieur Lartaud? Moi, je sais. 240 euros par carte à 2h du matin, 150 euros à 4h et à 6h20, un billet d'avion pour le Bhoutan. Non, mais il y a erreur. Non, l'erreur, c'est de prendre un billet pour les antipodes quand on a une carte contre Piu Piu, Monsieur Lartaud. Sauf que moi, c'est Sam. Lartaud, je l'ai ramené de soirée hier, il se réveille, je vous le passe. Mec, c'est pour toi. Je crois que c'est mort pour le Bhoutan. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Radio Mixplore. Quand les fantômes passent à l'attaque, qui est-ce qu'on appelle? SOS Fantôme. Nouvelles armes. Pourquoi c'est moi qui utilise le laser nucléaire qu'on doit tester? Tu as les bras les plus longs. Nouvelle équipe. On est les chasseurs de fantômes. SOS Fantôme en 3D. Il va se passer un truc énorme. Actuellement au cinéma. Radio Mixplore, un max de son dancefloor. Un max de son dancefloor. I'm free. the fallen, I'm the youth. Ay, I am the greatest, ay, this is the proof. Ay, I work hard, pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort. I fell twice before, my bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you. But the stronger survive, another scar may bless you. I don't give up, nah, nah. J'adore ce son. La dernière bombe de si à l'instant. En direct évidemment là, juste avant 23h. On est là en tout cas en jeudi soir. C'est la dernière de la semaine. On se lâche là. Ça fait bien plaisir en tout cas. Merci d'être avec nous. Jusqu'à 23h. Alex Libre Antenne sur Radio Mix Floor. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle a fait son job. Là, on bouge pas là, jusqu'à 23h en tout cas, avec tous vos messages, vos réactions là, en tout cas par rapport au sujet là, si vous êtes pour ou contre la télé-réalité là, en tout cas ce soir c'est un peu le fil rouge de l'émission. En tout cas c'est chaque soir évidemment, il y a un sujet du lundi au jeudi là. Alex Libre Antenne en tout cas, n'oubliez pas demain soir évidemment Plate Mix avec tous les DJ résidents Radio Mix Floor. On aura également samedi également avec les DJ en tout cas, et vos réactions par rapport au pour ou contre évidemment la télé-réalité. En tout cas c'est la question qu'on vous a posée évidemment aujourd'hui. Beaucoup de réaction là par rapport à ça. On a qu'est-ce qu'on a comme message là qui arrive en direct? Kevin, peu importe, ça c'est juste une histoire d'audience. Bah ça c'est vrai. On a moi j'ai des messages aussi sur Facebook là. Pauline qui me dit moi je regarde la télé-réalité juste pour les mecs bien gaulés. Ah ouais, bah c'est vrai qu'ils sont dans la carrière, c'est vrai qu'on a pas des mecs moches là. Mais ils sont payés à rien foutre quand même. Voilà, je me toile dessus. Oh, c'est la délibité au maximum, m'étonnes. Ce genre de truc, rien de tel pour abrutir encore plus les abrutis. Contre Cyril là qui nous dit à côté message, contre c'est potentiellement toxique, surtout pour les enfants, car certaines émissions de télé-réalité passent en fin d'après-midi là, lui dit en message. Allez, contre que de la merde avec des putains et surtout des bouffons. Voilà. Pour qu'on dit contre, c'est vrai que c'est un peu débat hein. Évidemment contre vu le nombre de débilités dedans. Bah c'est vrai qu'il y a pas mal de débiles. Alors ils choisissent les meilleurs. Nouveau message de Pauline. Moi c'est pareil, quand j'ai pas de mec bah, je me fais du bien devant la télé-réalité. Oh là ça là me fait bonder. Oh là là. Pauline, au moment, ça te fait bander une meuf. Okay, bah apparemment c'est ce qu'elle m'écrit gros. Ali, Ali parle un trans. Excuse-moi, elle s'appelle Pauline, elle a peut-être une bite, j'en sais rien. Mais bon. Pour un foot vite fait, le Pays de Galles fait 2-2 face à l'Autriche. Ouais bah voilà, dédicace faite évidemment. Suivez en direct évidemment les qualifs pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire que si là, l'Italie elle gagne ce soir, l'Espagne ils sont éliminés. Non. Non, c'est les qualifications. C'est pas les éliminations. Ah ouais, je crois, ouais, je confonds qualif et élimination. dans quelques instants, il y a le retour évidemment du pervers avec Eric. Là. Donc reste avec nous en tout cas jusqu'à 23h. On est là. Mais avant ça, on va se faire. Qu'est-ce qu'on va se faire? Tiens, on se fera le jeu des 5 mots aussi tout à l'heure. Mais avant ça, on va se faire le top ou flop. Non, on se fera les infos. On se fait les infos à Tox. On se fait la minute gaming avec Ben. C'est fait ça. On se fait l'info gaming avec Ben. On t'écoute les infos gaming. Attends, qu'est-ce que ça donne? Attends, Ben, avant de conclure. Il y a Pauline qui me dit. Mais l'autre, il parle qu'à Pauline. Rien. Elle me répond, elle lui dit mais pourquoi tu m'affiches? J'ai le droit de me mettre des doigts devant la télé-réalité et devant Marvin. Bah, excuse-moi, après. T'as qu'à pas me parler sur Facebook. Ou sinon, les doigts, je peux lui mettre. Je te montrerai comment faire. Pervers. Ouais, mais t'as pas le même physique que Marvin. Toi, t'es censé être ma cousine et doigté. Je peux faire deux choses à la fois. Ouais, bah écoute, t'es à moi, pas à lui. Ou pas à elle, je sais pas. Excuse-moi, cousine. Oh là là. C'est pas grave. Voilà, bon, du coup, on t'écoute les infos gaming avec Ben là. Mauvaise nouvelle pour les joueurs Call of Duty. Ah, qu'est-ce qui se passe? Les joueurs qui achèteront Call of devront acheter un disque dur externe car les deux jeux ensemble font 130 gigas. Ah, oh, bordel! Oh, c'est plus du jeu là, c'est. T'as ça pue du cul. En gros, 65 gigas le jeu quoi. Enfin, le remasterisé et le nouveau. Ah putain, et dire qu'à la base, rien qu'un simple DVD à la base, ça faisait 8 gigas quoi. Et un disque dur, ça coûte combien? C'est pas trop. Maintenant, les gros disques durs, ça coûte cher quand même. Non, mais surtout, il faut qu'ils soient adaptés à la PS4. Ouais. Du coup, ça doit être. Tout ça, c'est fait exprès. Une soixantaine d'euros quoi. Ouais, t'as dépensé 60 euros en plus. En gros, pour jouer au jeu, tu dois dépenser 300 euros. carrément, c'est n'importe quoi. Déjà, moi, je sais même pas si je vais me l'acheter du coup. Bon, là, je dois revendre le scooter. Eh ben, il va falloir qu'il refasse deux gosses pour toucher la caisse biroute, quoi. Mais carrément. Pour se payer le jeu. Je suis sûr que ta mec qui est dans les mains, la revendre. Vas-y, on t'écoute pour la suite des infos. Là. L'incroyable Joey Starr a donné sa voix dans un jeu de dans un personnage de jeu Titanfall 2. Qui ça? Joey Starr. Bon, Oli, je peux plus saquer. Depuis qu'il a réagi, elle touche pas mon pote. Depuis qu'il a mis la tarte à Gilles Verdez là. Moi je lui en veux, ouais. Ouais, salut, c'est Gilles Verdez. Ah, les gars, on peut pas aller en vouloir, elle aimait pas les pizzas, c'est tout. Ah, bah écoute, mais attends, Gilles Verdez, il y a quel âge? Non, mais Joey Starr, il y a pas. Bah, 50 à peu près, non? Bah, même plus, je pense. Hein. Ah, plus, non, non. Ah, mais Joey Starr, il est dans son monde, lui, son délire. C'est un tocard. Bon, c'est pas grave, on va pas. Et le jeu sortira le 28 octobre qui arrive. Ok, donc il y a deux semaines. Quelle info! Il aura dû te payer la blinde, quoi. Bon, la suite. La suite, 500 clés d'accès à la bêta Dragon Ball Z Nedoverse 2 est à gagner. Ah, pas mal. Waouh. Pas mal, final pour les amateurs. Sur le jeu, enfin sur le site jeuxvideo.com. Oh merde, on me dit moi la télé-réalité, je suis contre, je préfère regarder Porn Story. C'est pas une blague. C'est qui, c'est Pauline? C'est mieux que, non, par contre là c'est un mec, c'est Raphaël. Par contre les gars Pauline. Raphaël Salsa. Par contre les gars pour son nom Facebook. Il me dit surtout tu dis pas mon nom à l'antenne. Oh merde. Par contre, moi les gars, j'ai reçu un message de Pauline. J'ai reçu un message de Pauline. Je suis ok pour tes doigts, tu viens quand fait, bon, excuse-moi mon Rafi, mais bon. Rassurez-vous, auditeurs et auditrices, il n'y a pas que Pauline qui écoute la radio ce soir. Parce que... Attends, elle m'a dit tout ce que dit Al, c'est même pas vrai. Par contre, Pauline, t'es. Moi aussi, j'ai reçu la merde. C'est pas moi qui dis n'importe quoi et je veux le tuer. Non, par contre, Pauline, t'es un petit peu dans la merde, dis tous les messages Facebook qui restent sur mon PC. Voilà, ça pue du cul. Pauline est affichée en toute la France. Et la date de la bêta. C'est quoi ce rire? La date de la bêta sera téléchargeable le 7 octobre à 10h et elle ouvrira le 8 octobre à 10h jusqu'au 10 octobre à 10h. Et bah voilà. On parle que tu dans cette quarantaine. Exclusivement sur PS4. Et bah voilà, wow. Tout est dû en tout cas pour les infos jeux vidéo. En tout cas, merci Game. Merci Game. Merci Ben, évidemment. J'ai un mélange de Game et de Ben. Hein? De rien. De rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, il est des nôtres. Merci, Jem. Il est des nôtres. Il a mis ce jeu vidéo entre les deux. Voilà, restez avec nous. En tout cas, on est là jusqu'à 23h dans quelques instants. On sera enfin le retour du branleur. Il commence à me branler. Ouais. Ah, célèbre. T'aimes bien ça, Busy. Oui, j'adore ça. Mais les voix tellement, imaginez-vous, auditeur et auditrice, ils sont en train de nous écouter. Attends, vas-y, fais réécouter que j'essaye de refaire la même. Mais ça, c'est pas Eric aussi. Non, si, c'est Eric ça. Mais non, ça, c'est Bruno ça. Non, mais c'est Bruno ça. C'est Bruno. Ça commence à me branler. Je suis comme ça. Ça, c'est un autre ça. Je commence à me branler. Mais je veux bien, Eric, il avait une bonne voix quand même. J'ai envie de te caresser la chatte là. Il commence à durcir. Ton clito, il commence à durcir. Oh, là, oui, je suis tout chaud. Oui, en plus, c'est les deux ce soir. Ah merde. Oh oui. Quentin, on te traite de faux frère sur Facebook. Ah, ça c'est. Merde, connard. Le gars dans mon Facebook frère. En direct. Qu'est-ce qui dit ça? Raphaël, Salsa. On s'en fout que c'est un faux frère. Bah, c'est ma cousine. Au moins, il y aura des amis en plus. Dis bonjour à ta cousine. Dis bonjour à ta cousine. Ça va, cousine? Ça va, et toi? Oui, ça va, je suis déjà toute nue, là. Tu me rejoins ou pas? J'arrive, j'enlève ma petite culotte. Et ben voilà, ce sera après la prochaine musique. Et ben voilà, s'appelle le pervers, évidemment, dans quelques instants. Eric, le pervers, là, avec les deux cousines ce soir, juste après la dernière bombe de Niska. Elle avait son duo. Bonne soirée, bon courage à tous ceux qui partent travailler, bon courage à tous les routiers qui nous écoutent ce soir, là. Je me bouge déjà. Elle voulait juste les papiers. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son duo. Et tu lui as tout donné. Tu payais même le loyer. Elle avait son duo. Tu voulais juste les papiers. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle a fait son job. Elle a quitté le foyer. Et tu l'as cherché, mais elle a fait son job. Inutile de le nier. Elle a volé ton cœur, sans même dire un mot. Tu ne peux plus l'oublier, ça y est. Elle connaît toutes tes peurs et tous tes défauts. Fini de jeter l'argent par la fenêtre. Sinon, le diable va devenir ton proxénète. L'amour en t'aveugle va t'acheter des lunettes. Tu t'es perdu, mais tu veux te marier. Elle voulait le... Ce son Niska à l'instant, Maître Gims. Elle avait son Joe. Elle avait son Joe. On se fait la dernière bombe de Black M dans quelques instants. Askip. Mais avant ça, le retour 22h07. Des pervers évidemment ce soir là. Putain, il est chaud. Ah, il est chaud. Il commence à me branler. Voilà. Alors Fanny, évidemment, ce soir, tu n'as pas voulu faire tout seul ce canular. Non, je l'ai fait avec ma cousine Charlotte. C'est... Oui, je suis là. Elle est venue passer 3 semaines chez moi. Les filles, il y a moyen de me branler, là. Je pense pas, non. Si elle fait la taille à ton nez, non. Non, voilà. Et du coup, vous l'avez faite à dehors. Tu vas présenter ta cousine à Eric, c'est ça? Voilà. Donc c'est Charlotte qui a mon âge, 21 ans. Ouais. Oui. Et elle est au lycée comme moi. On a tous les deux un appart étudiant. Ouais. Et donc, on a décidé de l'appeler tous les deux tout à l'heure. Par contre, une nana qui a 21 ans, qui a la même voix que toi, ça me fait peur. Hein. Bah écoute, on n'a pas la même voix. Non, mais c'est surtout quand il joue la voix de Ben. Mais c'est la même famille. Hashtag je joue, j'ai une voix de merde. Même sur Canal, ils ont pas les mêmes voix. Quoi. Ah, c'est parti, on appelle Eric le pervers en direct, la 22h07, comme chaque jeudi maintenant. On vous allez kiffer. Allez, c'est parti en direct. Là. Allô. Oui, ma grosse bite. Ça va, ma salope. Ça va et toi? Ça va, impeccable. Je te dérange pas? Non, je me suis dépêché de rentrer, je suis à poil déjà là. Oh! Salaud. En train de me caresser. Déjà? Hein? Ah bah oui. Hein. Ben moi aussi. Hein? Et ben moi aussi. Ah oui, je m'en doute. Hein. Je caresse ta belle poitrine. Oui, hein? Je caresse ma belle poitrine. Mmh, ça, ça. Je suis déjà moi, toute chaude. J'adore. Hein? Je suis déjà toute chaude. Ah oui, t'es toute chaude? Oh oui. Ah oui, ça t'excite. Quand tu penses à moi, hein? Oui, beaucoup. Beaucoup, hein? C'est oui. Défait, hein, salope. Mmh. Hein? Ouais. T'as commencé à te branler? Mmh. Ouais, j'ai commencé à me branler. Mmh. Mmh. Ah. J'adore me branler. Accélère un petit peu. Chaude, j'entends. Accélère hein? Un petit peu. Ouais. Une doigte là, ma pute. Oui, je me doigte, oui. T'as mis combien de doigts déjà dans ta chatte? Là, je suis à 1 pour l'instant. Ouais. Oh, par contre, attends, j'ai ma cousine qui vient de rentrer dans la chambre. Ça va, cousine? Ça va, cousine? Oh. Bon, bah, elle m'a vu toute nue. Tu veux venir faire des trucs avec moi ou pas? Oui, je veux bien. Hein? Non, j'ai demandé à ma cousine si elle voulait faire des choses avec moi, en fait. Hein? Ça... Alors ça te dérange pas? Non, pas du tout. Hein? Ma cousine, déshabille-toi. Oui, attends, je me déshabille. C'est quoi ça? T'as commencé à te branler aussi? Ouais. en train de me caresser là. Accélère un petit peu. Ouais. Ta cousine, elle est déshabillée là ? Oui, oui, elle vient de se déshabiller. T'es déshabillée, cousine ? Oui, il me reste une petite culotte. Ah, elle a laissé sa petite culotte. Ah oui. Il faut la retirer, je pense. Ah oui, oui. Retire-la, moi. Avec mes dents ? Oui. Attends, je te le fais. C'est bon. Elle l'a retirée. Ouais. Ah, cool. Maintenant, caresse-moi. Hein ? Ma cousine, c'est Charlotte, hein, par contre. Voilà, je te la présente. Ouais. Et toi, comment tu t'appelles ? Moi, je m'appelle Eric. Oh, Eric. Oui, j'ai mis en haut-parleur pour qu'on puisse un petit peu se toucher tous les deux, en fait. D'accord. Voilà. Ouais, vous êtes des salopes. Oh, oui. Hein ? Oh, oui. D'accord, hein. Là, elle a commencé à mettre un doigt. Et moi aussi. On aime bien ça. Moi j'adore aussi. Deux salopes comme vous. J'aimerais bien avec vous. Ah oui. Regarde bien tes jambes. Mets-moi deux doigts. Oui, je te mets deux doigts tout de suite. Vas-y, ma grosse bite, continue. Encore plus fort. Oh, oui. Ah, ma salope. T'as envie de bite, hein. Oh, oui, j'ai envie de bite. Et tu peux nous traiter toutes les deux. Ça nous excite. Ouais. Vous êtes deux salopes, hein. Oh, oui. Mais tout de suite à moi. Cousine, hein, tu me laisses te lécher ou pas? Oui, vas-y. Alors, je bouffe vous les chattes. Bande de chiennes. Mais donne ta chatte par ici. Tiens, prends-la. Bon, hein. C'est trop. Toi, tu bouffes vos culs aussi, ces bandes de chiennes. Mets-moi un doigt dans le cul. Oui. Hein ? Tiens. Non, j'ai demandé à ma cousine qu'elle mette un doigt dans mon cul. Ah oui. Faut qu'on mette même deux directement, hein. Salope. Prends ça. Hein ? C'est trop bon, ça. C'est bon, ça. Bande de chienne. Oui. Ouais. J'adore ça. Continue. Hein ? Continue de te branler. Ouais, je me branle, là. Et après, je me dois ton cul aussi. Oh oui, hein, t'as pas... que je me dois ton cul. Est-ce que t'auras un objet pour mettre dans ton cul? Oui, j'ai une bougie. T'en as pas une plus grosse? Une plus grosse que la dernière fois? Ah, c'est déjà 3 cm de diamètre, hein. Ah ouais, c'est grand. Hein? Ouais, quand même, hein. Mais là, tu vas à fond, hein. Hein? Et là, tu vas à fond. Encore plus, encore plus que la dernière fois. D'accord, je vais me l'enfoncer un peu plus profond que la dernière fois. Oh oui. Oh oui, ça m'excite, les doigts dans le cul, cousine. Ah bon? Ouais. Ah, t'aimes bien? Oh oui. Eh ben, elle en demande aussi. Elle a envie de t'entendre avec la bougie. Oh, c'est bon. T'as mis la bougie, là? Ouais. Je suis en train de me gauder avec la bougie. Oh oui. Bon. Ah, j'aime ça. Donne-moi ta chatte, cousine, que je te doite à fond. Oui, tiens, doite-moi. J'adore. Mais salope. On va se dépenser tous ensemble, hein. C'est fait que ma bouche. Que vous en pensez? Oui, traite-nous encore. On va se dépenser les culs, hein, bande de chienne. Oui. Tu veux entendre ou pas sa chatte? Hein? Est-ce que t'as envie d'entendre sa chatte? Les enfants, oui. Ouais. Attends. Vas-y, cousine. Mais le mec, il habite à la campagne. Je dis ferme partout. Ah, bande de salope. Je récupère le téléphone. Vas-y, continue à fond. Oh, oui. Tu veux entendre un petit peu ou pas? Hein? Tu veux entendre un petit peu pour te faire jouir ou pas? Ouf. Oh. Il sait plus quoi dire. Oh, on va falloir que je prenne une bougie plus grosse, qu'est-ce que t'en penses? Oh, hein? Oui, vas-y. Salaud. Encore plus. Ouais. Et tu te défonces le cul, d'accord? Ouais, je me défonce le cul. Oh oui, vas-y. Ah, comme vous, je vais être une salope comme vous. Oh oui. Hein? Mets-moi une fessée. Hein? Je dois lui mettre une fessée, je lui mets la fessée ou pas? J'aimerais que vous soyez là pour me l'enfoncer la bougie. Hein? Ah mais tu peux le faire pour nous, hein? Ouais, mais vous aimeriez pas me la mettre? Moi aussi, hein? Avec grand plaisir. Mmh. Mmh. Oh, bande de salopes. C'est dégueulasse. Oh, je vous lècherai et vous me défoncerez le cul. Hein? C'est trop bon. Salaud. Bande de chiennes. Oh. Hein? Ah oui. Oh. Tu mouilles là? Oh oui, beaucoup. Il capte rien. Ah, j'adore. Mmh. C'est bon, hein? Hein? Oh. Là, elle me met trois doigts. Salope. Oh. Oh, vous êtes vraiment des salopes. Hein? T'as dit quoi, cousine? Mon fantasme, c'est les bruits d'animaux. Ah. Oh. Ma grosse bite? Oh. Oui. Est-ce que tu peux faire des bruits d'animaux pour nous? Non. Non, je peux pas faire. Oh, ça nous excite en plus. Petite nature. Oh, il est ouais, mais non. Bon, c'est pas grave. Ah. Moi, j'ai l'impression, ma salope. Oh oui. Hein, j'ai envie que tu fasses n'importe quoi pour nous exciter. J'y suis presque. J'y suis presque. Oh. Enfonce-la bien profonde. Vas-y. Ouais, je suis mieux. Encore plus que la dernière fois. Oh. Ah oui. Ah oui. Ah. Ça nous excite. Ah. Ah, je te mets la fessée. Tiens. Tiens. Tiens. Tiens. Allez. Oh. Ah. Allez, tiens. Allez, encore plus. Allez. Tiens. Aïe. Aïe. Là. Enfonce-la bien profonde et branle-toi en même temps, vas-y. Ouais, continue. Je dis enfonce la bougie bien profonde et ouais. Branle-toi en même temps à fond. Ok. Ah, juste pour nous faire jouer. Enfoncer la bougie. Ah oui, vas-y. Encore plus. Oh, oui. Et plus profond que la dernière fois. Oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis plus profond que la dernière fois. Ah oui. Ça t'excite, cousine, ou pas? Oh, oui. Va, vas-y, doigte-toi encore. Ah oui, moi je me doigte. On va jouir. Oui. Ah, vas-y, accélère sur mon clito, cousine. Oui. Allez, vas-y. Vous êtes des salopes, dites-le, vous êtes des salopes. Faut qu'il s'inscrive à la chorale. Vous êtes des salopes. Oh, on est des chiennes. Oh. C'est quoi le oh. Oh, trop bien. Oh. Oh. Oh. Oh, ma salope, c'est beau. Hein? Ah, c'était bon. C'était bon? Ah oui. Hein? Hein? Tu vas encore penser à moi? Oh oui, je crois qu'on va le refaire toutes les deux tout à l'heure, quand tu dormiras. Ah oui. Ah ok. Ok. Ça je penserai à vous, si vous vous imaginerez en train de vous doigter. Oh oui. Hein? Ah tu feras pareil que nous, hein. Ah moi je me doigterai plus en pensant à vous. Oh. Hein? Ouais. Oh oui. Bien. Oh oui, j'adore. Bien. T'as peur aussi, moi. Hein? Oh oui. C'était bien bon. Bon, j'allais faire mes doigts, parce que là j'en veux plus. Allez, bisous. Je te fais plein de bisous, ma grosse bite. Bisous, je te fais plein de grosses lettres sur ta chute. Et à ta cousine aussi. Oui. À bientôt, mes salopes. À bientôt. À bientôt. Bisous. Bisous. Bisous. Eh, pas mal la paire pervers ce soir, évidemment. Je te l'ai dit que ma cousine était excitante. Ah, ah putain, je suis très chaude. Ah, c'est clair, bordel. Eh, mais vous êtes des rudes branleurs quand même. Il a giclé jusque son front. Eh, mais hey, attends, j'étais en train de penser à un truc. Ouais. Vas-y. Comment il fait pour se branler, se doigter le cul et avoir le téléphone dans les mains? Bah, il pose, il met le haut-parleur, je pense, non? Non, il y aurait le haut-parleur, on l'entendrait. Hein? Bon, non. Non, peut-être qu'il y a les oreillettes. Ah, peut-être. Ah, ouais, peut-être qu'il y a les oreillettes. Peut-être qu'il y a un kit Bluetooth. Ouais, sûrement les oreillettes, ouais. Ah, peut-être qu'il y a les oreillettes. Bah, il est chaud, là, Eric le Pervers. Ah, en tout cas, chaud. Rendez-vous jeudi prochain, là, pour le retour d'Eric le Pervers, évidemment. Peut-être qu'on arrivera à faire un plan à trois avec trois cousines. Pourquoi pas, alors toute la famille entière, évidemment. Ça serait chaud, non? Ça serait chaud, ouais. Non, ou un mec qui rentre dans la salle. Ouais, on verra bien. Dans la pièce, ouais. Ouais, peut-être qu'il aime bien. Peut-être qu'il a envie de que Fanny se fait baiser en direct et puis que lui ça l'excite. T'aimes faire baiser? Ouais, t'aimes faire baiser. J'ai commencé à me branler, ouais. Ouais, bah, reste avec toi en tout cas là jusqu'à 23h. On est là, on se fait parakeet là dans quelques instants. Tout de suite là. Il y a le défi tout bordel là, il y a le top ou flop, il y a le canular également qui arrive là, bougez pas. Une cible facile, une maison isolée. Il est aveugle? Ça va être du gâteau. Jusqu'à ce qu'il s'y entre. Qui est là? Par le réalisateur de Evil Dead et le producteur Sam Raimi, Tom Brave, la maison des ténèbres. Numéro 1 au box-office américain, Tom Brave, la maison des ténèbres. Le 5 octobre au cinéma. Ceci est un message mythique réservé aux célibataires. Pourquoi? Parce que vous, les célibataires, vous savez bien que ce n'est pas ce matin que vous allez rencontrer quelqu'un au boulot. Et surtout pas la photocopieuse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Mythic, la bonne personne, vous pouvez la rencontrer partout et surtout ailleurs. Mythic, voyez plus grand pour vos rencontres. Radio Mixplore. L'Inox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h. Parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook Inox Club. Je connais des personnes qui vivent avec le VIH. Avec l'une d'entre elles, je risque de tomber amoureux, m'engager dans un beau projet de vie ou avoir de merveilleux enfants. Aujourd'hui, les traitements empêchent la transmission du VIH vers d'autres partenaires. Partager sa vie avec une personne séropositive, c'est possible. Renseignez-vous sur préventionsida.org. Un message de la plateforme Prévention Sida avec le soutien de la COCOF et de la Wallonie. Radio Mixplore, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. About to land, after years of joy, life is a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, saved me. Save me. Allez Lucas, le son de Parakeet à l'instant, Save Me, on est ensemble là jusqu'à 23h, bougez pas. Et merci en tout cas de passer la soirée avec nous là, 22h26, on est ensemble là, bougez pas. Jusqu'à 23h, Alex libre antenne sur Adam Et ouais, vos dédicaces comme Mathieu là qui fait une dédicace à Amy, sa petite chérie, bah dédicace à elle évidemment, dédicace à Eric également pour Coco, Quentin, toute la troupe là des 3ème B là du collège de Dark Calais, bah dédicace en tout cas à eux. Merci en tout cas de passer la soirée avec nous, on est là jusqu'à 23h, bougez pas. Alex Libranté, il y a le défi ce soir, il y a le canular du jeudi qui débarque dans moins de 2 minutes, il y a également le jeu des 5 mondes, on doit appeler les hôtels ce soir avec Al. Il y a le défi. On a également Top ou Flop, ouais. Je viens de le dire, il y a Top ou Flop, mais il y a encore plein de choses en tout cas ce soir qui va arriver. Et qu'est-ce que j'allais dire, vous avez entendu parler de l'animal le plus dangereux pour l'homme, ils ont fait un sondage de l'animal le plus dangereux pour l'homme. C'est pas le c'est le cerf, le cerf en rut. Non, le kangol, le kangol. Hein? Le kangol. Non, l'animal le plus dangereux pour un non, homme, c'est le, monde, c'est le crocodile. Hein? Bah non, c'est l'homme en manque de cul. Non, vous allez vous allez filer. C'est un chien, non? Non. Votre le ami. Chat, non? Non, non c'est la poule. Déjà en troisième position, c'est le chien. En troisième position. Attends. Un kangol. Le serpent. Non. Non, la poule. La poule. Non. Le c'est plus dangereux pour l'homme. Ouais. Une araignée. Ça fait 725 000 tués par an. Le moustique. Le moustique. Exactement. Le moustique. Le moustique. Le moustique est l'animal le plus dangereux putain. Pour l'homme. Ouais, il y a un moustique tueur. Enculé de moustique. 725 000 tués par an quand même à cause du et moustique. Ouais, parce que le moustique te pompe le sang et te peut te refiler des maladies, gros. Et wow. Et en deuxième... ah ouais, ça va de personne en personne. Et en deuxième place, vous allez halluciner, vous avez jamais trouvé. Moi, en tout cas, ça m'a fait. Et c'est un sondage officiel. Hein. Le chat. Non. Une mouche. Non. Bon, c'est bon, des mouches n'ont jamais tué quelqu'un. Ouais, mais une mouche, ça pique, hein. Wow, enfin, ok, merci. Non, c'est un animal le sanglier en deuxième position. C'est un animal qu'on connaît ou pas? Ouais, ça se trouve dans. C'est pas vraiment un animal. Ouais, enfin, ouais, si, c'est un animal. Une araignée? Hein? Une araignée? Non. C'est, on trouve ça dans une cour, enfin, dehors. Les puces? Non. Un verre de terre. Les tiques. Un verre de terre. Mais gros, mais réfléchis, gros. Un verre de terre, ça tue pas, gros. Mais qu'est-ce qui est con? Je me suis fait une fourmi sans par un verre de terre. La fourmi? Non. Mais le fourmi ça tue pas non plus. Bah t'es con quoi. Ah ça peut. Une abeille. Ouais, le fourmi rouge. Une abeille. Non. Une guêpe. Non. Un bourdon. Non. C'est sur, généralement c'est sur des salades. Les limaces. Les vers et les limaces. Ah t'es pas loin. Un escargot. Un escargot. Ah bon un escargot parce que l'escargot, ce qui rejette l'escargot, alors je me suis renseigné, l'escargot, ce qui rejette, c'est carrément pas bon pour la santé. Et puis t'as des cons qui prennent les escargots sur leurs mains et tout. Et ça. Généralement, les escargots, etc., qui restent dans les. Les baveux, dans les machins, etc., et bah c'est pas bon pour la santé. Sachez qu'un escargot, c'est très dangereux pour l'homme. Et en tout cas, c'est le deuxième mortalité pour les hommes. Quand j'étais petit, je faisais des reproductions d'escargots. Non, mais sérieux. Le mec, il savait même pas que c'était mortel quoi. Je mettais une boîte, je mettais de la salade et tout dedans, je mettais des escargots dedans. Oh là. Juste, on doit foutre maintenant des escargots. Maintenant que tu vas te savoir que c'était mortel, connard. Bah. Eh, mais rigole pas, je faisais la même chose, ça faisait des œufs blancs et tout. franchement. Et tu sais quoi, moi quand j'étais chou, en fait, je tuais des mouches. Donc, je chopais des mouches vivantes. Ouais. Je les mettais dans la flotte pour qu'elles se noient. Donc, en gros, les mouches, tu vois, elles étaient humides et tout, elles étaient en train de se noyer. Et je prenais une pile 9 volts avec deux petits câbles que je branchais sur la pile. Ouais. Et je réincarnais les mouches comme ça. En fait, je leur mettais des coups de jeu avec une pile 9 volts avec mes cousins. Et jusqu'au jour où j'ai réussi à réincarner une mouche, la mouche, elle est revenue à elle et elle s'est réenvolée. J'ai halluciné, je me prenais pour Dieu, mec. Moi, j'ai déjà vu deux mouches baiser. Merci. J'ai déjà vu deux mouches baiser. Non, elle m'a pas dit merci, elle m'a dit. Moi, j'ai déjà vu deux mouches baiser, moi. Baiser. Eh, moi aussi. Ah, j'ai déjà vu, c'est pas mal. J'ai même des moustiques cousins. Que du Red Bull, s'il te plaît. Attends, je suis obligé de parler sinon c'est l'émission. Tu peux me servir à Red Bull, s'il te plaît. J'ai déjà vu des moustiques cousins baiser. Ah, mais c'est bon. Hein des moustiques cousins baiser. Ouais, bah, c'est les des gays. Attends, c'est les cousins gays. En troisième position, c'est le chien. Ouais. C'est un chien kangol. Ah, je sais pas, je vais pas regarder la race. Vous avez déjà vu un chien kangol? Non, il y a un gol. C'est un chien qui habite à la ZUP et qui connaît Ben. Non, attends, c'est sérieux ce que je veux dire. C'est un chien qui est interdit en France. Ah ouais? Parce que c'est un chien qui tue les lions. Ah ouais. Qui tue les lions? C'est un chien qui tue. Quand il se met debout, il fait 2 mètres, 2 mètres 10. C'est la panthère rose. Ah, il est carrément plus gros que moi, quoi. Non, c'est pas des. Non, mais je vous jure. Plus grand que moi. Putain, j'en reviens pas. Ah ouais, pas mal, ouais. Non, sérieux, c'est pas des conneries. Non, mais on te croit. Chien kangol. Bah, en tout cas, vous connaissez. Il y a que Al qui connaît Pulp Fiction, le film. Bah, si, Pulp Fiction, c'est. Ah, c'est un classique du cinéma. Pulp Fiction. Je connais pas du tout. Bah oui, je sais que c'est pas Pulp Fiction. Eh bah, c'est sûr, c'est quoi regarder, tu vois. Et dedans, il parle évidemment d'hamburger. Du coup, alors c'est pas moi qui fais les canulars, faut le préciser. En tout cas, un gros respect à celui qui fait les canulars. Évidemment, il a une chaîne YouTube en plus, donc n'hésitez pas à la retrouver. En tout cas, et à appeler McDonald's. Alors voilà, en tout cas, c'est énorme. On appelle en direct, c'est Pulp Fiction avec McDonald's. C'est parti. McDonald's, bonjour, André, à votre service. Tu connais le nom du pointeur Panda Wishes en France? Pardon? Tu connais le nom du pointeur Panda Wishes en France? Le Royal Cheese. Et pourquoi? T'as une idée? Parce que c'est le Royal Cheese. Faux! Ah bon? Le système métrique. Eh ben écoute, c'est formidable. Et un Big Mac? Bah le Big Mac, c'est le Big Mac. Le Big Mac. Exactement, le Big Mac. Ça, c'est un excellent hamburger. Le meilleur. J'en achète rarement, ma copine est végétarienne. Alors, pratiquement, je suis végétarien. Mais, de temps en temps, un bon hamburger, j'adore ça. Ouais, carrément. Vous savez qui on est? Ouais, je suppose que vous êtes les deux enfoirés de Pulp Fiction. T'es très malin, mon enfoiré, tout juste. Je crois que nous avons un ami en commun, Marcellus Wallace. Marcellus Wallace? Vous vous souvenez bien de Monsieur Marcellus Wallace? Tout à fait. Est-ce qu'il a l'air d'être une fiotte? Non. Je souhaite que t'admettes qu'on devrait être mort, vieux. Salut, ça va? Toi, tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con. C'est une blague? Bah, j'espère que c'en est une, et en tout cas, elle est pas mal. C'est quoi, en fait? C'est quoi, en fait, quoi? Dis quoi encore une fois? Dis-le encore une fois! Allez, dis quoi? Vas-y, répète-le! Je te mets au défi de dire quoi une fois de plus! Allez, dis-le pour voir! Exactement! Oh, excuse-moi, je t'ai coupé, là. Qu'est-ce que tu disais? Non, je disais juste que c'était un super truc de Pulp Fiction. Va chier. Ouais, toi aussi. Tu connais bien la Bible? Ouais. Il y a un passage que j'ai appris par cœur qui convient à la situation. Ouais, vas-y. La marche des vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. C'est bon, on a épuisé toutes les vannes de Pulp Fiction ou pas? Arrête un peu, ça m'amuse pas, tu commences à me taper sur les nerfs. Vive le Big Mac, va te faire enculer le Whopper. Arrête tes conneries, on plaisante pas avec ça, c'est grave. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors, tu comprends ce que je dis? Exactement. J'en étais sûr. Bon bah écoute, j'ai du boulot, je te dis au revoir. Allez, ciao ciao. Veuillez nous pardonner. Eh ben pas mal et finalement cette émission là, Pulp Fiction avec McDonald's évidemment, c'était un petit extrait. Excellent. Eh, pas mal hein, un petit finalement qui parle d'hamburger dedans là, en tout cas. Mais merci de passer la soirée avec nous là jusqu'à 23h, on est là. C'est le sujet évidemment, si vous êtes pour ou contre la télé-réalité, l'avenir en tout cas réagir par rapport à ça. Putain, pas mal quand même. Et franchement, j'aurais pas cru que le moustique ça tuait 725 000 tués hommes par an quoi. Oh, c'est hallucinant. C'est chaud, un truc d'ouf. Un truc que t'écrases normalement contre un mur et finalement ça. Bon, enfin, un moustique faut l'écraser quand même. Le pire c'est que le moustique tu le vois jamais mais tu l'entends. Le petit moustique quand t'essayes de dormir, le là, petit moustique tigre qui vient te chatouiller les oreilles, qui te fait. Non, attends, et t'es comme un ouf dans ton lit en train de remuer partout, en train d'éclater, mais en fait il est toujours là. Le moustique tigre, il est vraiment mortel. C'est pas ça, mais il fait chier que c'est tigre. Non, sérieux, c'est vrai. Il bosse pour le siècle planaire ou quoi? C'est des moustiques qui viennent d'Afrique, qui sont vraiment mortels. Eh, t'as été recruté par un Nickelodeon ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me fait chier que c'est moustique tigre. Je suis quand même intelligent. Non, mais c'est vrai que c'est chiant quand tu vas te coucher l'été. Et puis ouais, t'es comme moi, ouais, t'es un intelligent. Ah, c'est pas chiant. Les bruits de moustiques, ouais, c'est chiant. Les gars, vous êtes impressionnés par le chien kangol ou pas? Mais qu'est-ce qu'il casse les couilles? On s'en branle de ton cul. Chien Google, ça fait penser à un chien qui a la gueule. Non, mais franchement. C'est un chien Google qui bande. Chien Google. Ouais, mais moi je pourrais pas avoir un chien comme ça. Hein? Je pourrais pas avoir s'en un chien. S'en branle ton chien, mais. T'as quoi comme chien là? Moi j'ai un bichon, un bâtard. Salut les gens, c'est moi Ben. Ouais. Bon, je parle pas, j'ai un petit chien aussi. Donc. Le bruit du moustique là, attention, le bruit le plus énervant au monde là. Tâche. Et là t'es là en train de remuer les bras. Pff, dégage. Dégage. T'es là. Et tu tapes sur la gueule. Bouge. Les gars, c'est le seul. C'est le seul moment où on tape sur la gueule quand même. Ça m'énerve. Ah moi je le fais quand je me branle, ça m'excite. Oh putain, arrête toi. Ah merde. Oh non mais vas-y allez. Non, arrête. Arrête. Je peux pas dormir. Il est où?

Eh non, mais hey, je te jure, il ressemble. Non, non, mais c'est le coiffante. Ah ouais, le coiffante, excusez-moi. Quand il se met comme ça, il ressemble au mammouth de l'âge de glace. Ah, ok, là, bon. C'est pas des conneries. Ça faisait longtemps que t'as pas vu un mammouth, hein. Bah, eh, vas-y, tape mammouth de l'âge de glace. Non, bah, vas-y, genre, j'ai que ça qu'à foutre. C'est toi qui as une gueule de mammouth. Mais t'as vu ta gueule de bite. Eh, imagine le prénom, Ben le mammouth. Bon, en tout cas, merci. Le mammouth. Merci de passer la soirée avec nous, en tout cas, ça fait vachement plaisir. Déjà, t'es pas mon pote, tu m'appelles Al, s'il te plaît. La dernière fois, t'as dit que j'étais ton frère. Oh, ouais, mais c'était juste pour. Non, t'avais 3 grammes dans le sang. Voilà. Exactement. C'était pour qu'il te paye, c'était pour qu'il te paye une bière. Voilà, en tout cas, merci de passer la soirée avec nous. 22h40, on va se faire un jeu des 5 mots là. C'est très simple, on fait une réservation, on balance 5 mots n'importe lequel. Et puis le but, c'est qu'Al fasse une réservation avec les 5 mots. On va commencer, ouais. Tiens, par Quentin qui va nous donner un premier mot là ce soir en direct. Bah, on t'écoute, Quentin, donne un petit mot là. Le mot mug. Allez, mug. On note mug. Moi, je vais balancer. Qu'est-ce que je vais balancer? Je vais balancer pervers, moi. Attends, ah. attends, j'ai pas noté. Mug. Attends. Va doucement. Mug. Donc, le premier mot, mug. Le pervers. Premier, le deuxième mot, je vais dire pervers. Ouais. T'es me faire baiser. Pervers. T'es me faire baiser. Pervers. Voilà. Ah, j'ai un mot là d'auditeur qui me dit Kilimanjaro. Kilimanjaro, c'est la montagne, ça. C'est une montagne, ouais. Là. Non, c'est le Connemara. Il y a du Connemara. Allez, montre-lui un cache. Il est où le montre-lui un cache. Vas-y, pète un mot, bah. Et moi, j'ai Astico. Astico, c'est. Montre-toi Astico, moi, j'aime branler. Mammouth. Mammouth, là, mais. Mammouth, là, moi, j'ai pas été à Jiffy, moi, j'étais Mammouth. Et ta chaîne. Non, Mammouth, ça existe plus maintenant, c'est Auchan. Ouais, c'est Auchan, ouais. Ok, là. Pas Mouk, pas Brin, Carpentier. Ouais, bah, de toute façon, moi, j'avance mon écho. Ceux qui nous écoutent en France ne comprennent pas. Bah, donc, les 5 mots suivants qui sont. Excusez-moi, je suis en train de répondre à nos auditeurs. Bah, qui sont Mug, Pervers, Kilimanjaro, Astico et Mammouth. Attends, je vais essayer de trouver parce que c'est vrai qu'à chaque fois on se demande quand et les mots. Attends. Vu que Al il est très fort, on peut lui rajouter un 6ème mot. Bah, si tu veux, mec. Vas-y, bah balance ça. Anticonstitutionnellement. Oh, ouais. C'est de la merde. C'est de la merde. Je l'ai balancé moi 40 000 fois dans mes blagues. Ouais, c'est salaud ça. C'est salaud aussi. Non, non, mais Ben, pour moi, ajouter un 6ème mot. Vas-y, prends du level, mec. Ok. Ouais, t'as pas un mot. Migrant. T'habites à Calais, toi? Oui. T'as pas un autre mot, je sais pas quoi. Non, migrant, non, je peux pas dire ça. Homme sans papier. Non, ouais. C'est bon, il. Ouh! Qu'est-ce qui se passe? Je teste des trucs. Ouh! Enfin, je teste des trucs. Ouh! T'as les trucs et putain les bruits, toi. Attends, attends. Ah, mec, voilà. Il y a un mec qui m'envoie. À chaque fois, du coup. Pour le jeu des 5 mots. Bah, attends-moi un mot. Non, mais à chaque fois que Al va balancer un mot, bon, on va mettre ça. Où voilà. Ça? Voilà. Ouais, non, je préfère celui-là. Ouais. Voilà. Comme ça, à chaque fois qu'Al est, on sera un bah, mot. Tout le monde connaît ça. Ah merde. Là, tu fais avec son YouTube, lui. N'importe quoi. Bah, c'est qui sont pas chers. Ah, non, on va, à chaque fois qu'il y a un mot, on balance ça. C'est qui? C'est qui de V. Bon, vas-y. Alors, vas-y. On y va. Moi, j'ai dit mug. Donc, les 5 mots suivants qui sont. J'ai 5 mots, ouais. Ah, ok. Bon, et par contre, écoutez-les bien parce que sinon, je vais rester 3 heures au niveau du téléphone, ça va être la merde. Ah, donc, à chaque fois que tu balanceras un mot, ça sera. Ouh. Ouais, donc il y a pervers, il y a mug, il y a Kilimanjaro, Astico et Mammouth. Ouais, bah c'est parti, on appelle en direct. Oh, il recommence à casser la tête, putain. Bah, c'est plus crédible ça. Oh, le lourd, le mec. T'as le feu, hein, quand même. T'as montré ta chatte, salope, t'as montré ta chatte, toi. Ouais, j'ai commencé à me branler, putain, salope. Oh merde. Ah, fait trop tard, on balance un 6ème mot. Ah, attends, c'est fait griller, merde. Ok, il a répondu. Hein, bah, c'est chiant, c'est bon, moi je balance ça. Ah, putain, quel con. Attends, on va rappeler un autre là. Et on balance un 6ème mot, on me dit Al, t'es pas cap, carotte. Lol. Bon, pour la dernière. Attends. Est-ce que vous savez que les mammouths mangent des carottes? Dites-moi le ville de la porte de laquelle en France Besançon. Ouais, Besançon. Deux enfants. Ouais, Besançon là. Ouais, c'est bon, c'est à Besançon là. Ouais, c'est bon, j'ai pas goûté. T'aimes faire le gigne, hein. et votre chatte, elle est comment là? Il y a encore du thé ou pas, les gars? Ouais, c'est ça, et votre chatte, elle est comment là? Il y a encore du thé ou pas? J'ai commencé à me branler, ouais. Allez, c'est parti, on appelle du côté de où là, tu m'as dit la ville là? Besançon. Ouais, Besançon. Ça, je sais pas où c'est parti. Ouais, c'est parti là. C'est à Besançon. Oh, j'adore. L'hôtel de Paris vous souhaite la bienvenue. L'hôtel de Paris à Besançon. Nous allons donner suite à votre appel dans quelques instants. Welcome to l'hôtel de Paris. Please hold the line. We're going to answer your call in a few moments. L'hôtel de Paris, Gaëtan, bonsoir. Oui, bonsoir Gaëtan, excusez-moi de vous déranger. Bah, bien sûr, je vous appelle pas pour manger au restaurant, pour faire une réservation d'hôtel. Oui, ce serait pour quand? Alors attendez, que je ne dise pas de bêtises. Dans la nuit de vendredi soir à samedi matin, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ce serait pour une ou deux personnes? Normalement, une personne, mais on sait jamais. Avec un grand lit déjà à la base. Avec un grand lit. Je suis pas pervers, mais bon, on sait jamais quoi. Je vais avoir l'habitude quand même. Alors, j'aurai une chambre standard à 90€ la nuit. Oui, pas de souci. Oui, pas de souci. De toute façon, c'est ma société qui paye, donc. D'accord. Aucun problème. Alors... Même si vous avez la gamme au-dessus avec un petit mug, je sais pas, un petit savon, n'importe quoi. Alors, la gamme au-dessus, j'aurai une chambre exécutive. Elles sont à 139€ la nuit. Vraiment, c'est deux catégories au-dessus, là, par contre. Donc, la différence entre le premier tarif que vous m'avez donné? Alors, la chambre standard, c'est une chambre standard avec un lit de 160. Ça fait à peu près 15 mètres carrés. Il y a la douche. Alors que la chambre exécutive, c'est un lit de 180 avec une douche aussi. Et il y a le mini-bar. D'accord. Et elle fait 30 mètres carrés. Donc, en fait, c'est un petit peu le Mont Blanc et le Kilimandjaro, quoi. On va dire ça comme ça. La différence, d'accord. Mettez la chambre haut de gamme, y a pas de souci. L'exécutive, d'accord. Voilà. Alors, pour une seule nuit, donc de vendredi à samedi. Oui, pour le moment, peut-être que je vais rester dimanche, mais je préfère pour l'instant vous réserver une seule nuit. C'est pas encore sûr du tout que je sois encore dans les parages, donc on ne sait jamais. Mais est-ce qu'il faut que je vous réserve avant, peut-être pour dimanche? En ayant possibilité de samedi à dimanche. Oui, en ayant possibilité vraiment de l'annuler au dernier moment en fait, ou pas. Alors samedi à dimanche, je n'aurai pas de chambre à part la catégorie prestige. C'est la catégorie au-dessus de exécutive à 179. Alors, c'est-à-dire au niveau. On est complet. Samedi, on est complet. J'ai rien en dessous. Oui, mais je vous dis au niveau des tarifs, il n'y a pas de souci. Après. Ouais. Après voilà, je sais pas ce qu'il y a en supplémentaire, mais s'il y a moyen de rester chez vous, peut-être dans la nuit de samedi à dimanche. Ouais. Après, si vous voulez nous redire, moi je peux vous accorder jusqu'au samedi. Si vous pouvez nous le dire à midi, quoi, quand vous faites votre check-out le samedi, si c'est possible, quoi. Ah oui, bah, vous inquiétez pas. De toute façon, je travaille à la limite pour Mammouth. Anciennement Mammouth pour Auchan. Donc je suis dans les parages en fait pour faire un petit récapitulatif au niveau des magasins. D'accord. Qui se situent par chez vous en fait. Mais c'est pas du tout sûr. Peut-être que j'aurai fini samedi soir ou samedi vendredi dans l'après-midi. Samedi. Si samedi, je vous réserve oui, samedi, dans, oui, dans c'est la, vrai. Voilà. Donc après. Donc, après vous nous redites quoi. Mais si jamais je regarde un peu ce qui nous reste en chambre. Imaginons vraiment une bêtise entre nous. Il suffit que je trouve un asticot dans un centre commercial et je suis obligé de rester chez vous une nuit de plus. J'en sais rien. Mais est-ce que c'est possible de réserver une nuit de plus chez vous et à la limite au dernier moment de l'annuler si je reste pas. Au dernier moment non. Ça ne nous arrangera pas parce que nous on pourra la relouer quoi. Donc pour vous, c'est trop compliqué. Serait, nous on préfère quand vous nous le dites à l'avance quoi. C'est pour ça que je vous ai dit midi, à la rigueur on peut vous dire 14h. Parce qu'à la limite entre nous, mais pas après quoi. Je veux pas être malhonnête, je veux pas vous mettre une carotte au niveau de la réservation, c'est pas le souci. Hein, mais, ouais. Mais voilà quoi, après. Si je peux prendre réserver déjà dans la nuit. Celle de vendredi à samedi, voilà, vendredi à samedi. Ouais. Et après, votre dernière limite pour le samedi soir en fait, ou le samedi en fin d'après-midi, est-ce que ça serait possible pour vous? Pour nous confirmer le samedi au dimanche? Pour la nuit de samedi à dimanche, oui. Ben, jusqu'à 14h, oui, il n'y a pas de souci pour nous la confirmer, quoi, mais pas après. Donc jusqu'à 14h, je commence à... Oui, bon, à 9h. À vous inquiéter, oui, pour nous confirmer. Voilà, peut-être que j'aurais pas fini... Si vous réservez, et après, il n'y a pas d'heure pour réserver. Hein. Non, mais après... Mais c'est pour après, la confirmer, moi, oui, pas après 14h, quoi. Moi, on va dire, je vais partir de l'hôtel vers peut-être 8h du matin. Je vais peut-être revenir vers peut-être midi 30. grand maximum. Bah, à midi 30, alors, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous dire si vous avez besoin de la chambre ou pas. Eh ah bien, bah, écoutez, impeccable. Non, mais je pense que je vous ai tout dit. Donc, au niveau des réservations, oui, ça devrait être bon. D'accord, bah, je vais juste prendre votre nom, alors. Jean-Édouard. Ah, pardon, le nom. Le nom de famille, oui. Rousse-Bif. Pas Rose-Bif, Rousse-Bif. BI2F. Un seul F, s'il vous plaît. Un seul F. T'as mis de faire busy. Allô ? Oui ? Vous m'avez, posé une question ? Non ? T'as mis de faire busy. Allô ? Allô ? Oui ? Il me faut un numéro portable aussi. Ouais. Et allô ? Excusez-moi, j'entends... Oui ? Mais je sais pas, j'entends une deuxième conversation. T'as mis de faire busy ? Oui, moi je l'entends aussi, moi. Ah bon ? Mais c'est pas chez moi, hein. Vous avez pas une chambre qui vous appelle? Bah, je sais pas, c'est... Non, je suis tout seul, mais j'entends aussi quelqu'un. C'est troublant. Allô? Oui? Oui, bah, oui, je suis toujours avec vous, oui. Oui, il me faudrait un numéro de portable, s'il vous plaît. Par contre, c'est une blague ou pas, monsieur? Parce que je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Allons me le dire, parce que c'est pas chez moi. Bah écoutez... Non mais, allô? Oui? Il y a quelqu'un sur la ligne ou pas? Il y a juste ma collègue qui est avec moi en réception, mais excusez-moi, il n'y a personne d'autre. Vous entendez la même? Mais j'entends aussi, moi, la deuxième voix, vous inquiétez pas. Vous entendez... Ouais, c'est troublant quand même, parce que le monsieur a l'air d'être assez obscène quand même. Qu'est-ce qui se passe? Assez vulgaire, oui. Bah oui, je vous l'accorde. C'est très étonnant, c'est la première fois que ça m'arrive en faisant une réservation d'hôtel. Ben pareil, je sais pas ce qu'il y a. J'étais à vous demander un numéro de portable, si c'est possible. Oui, mais écoutez, oui, je vais vous le donner de suite. Le 06. Oui. 41. Oui. Allô ? Allô ? Non, mais... Oui ? Je suis vraiment sur un hôtel ou pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, vous êtes sur un hôtel, j'ai entendu aussi, mais c'est pas chez moi. Non, mais... Moi, j'ai dit ça. Ça, oui, voilà, je me pose la question, c'est un petit peu bizarre quand même. J'ai commencé à me branler, ouais. T'as envie de faire busy. Allô, monsieur? Oui. Mais Ah, je pense. T'as envie de branler, ouais. Non, mais c'est quoi ce bordel? Allô, monsieur? Allô? I have a pen. Oui. Mais y a une soirée chez vous? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien que. Mais je sais pas, c'est. Bah, je sais pas, moi, je pensais être... Non, mais j'aimerais bien avoir une soirée, ça m'occuperait. Bah, ouais, mais je sais pas, moi, je vous appelle, en fait, pour faire une réservation, après, je sais j'en pas, étais à votre numéro de portable, moi. Bah, oui, je comprends, j'étais en train de vous le donner, mais... Mais c'est quoi, c'est quoi derrière? Apple pen, I have a pen, I have pineapple. C'est un cadeau, monsieur. Pineapple pen. Allô? Allô? Non, mais c'est quoi? Non, mais c'est quoi? Bah, écoutez, monsieur, j'ai pas de temps à perdre. Je crois quitter la vie. Et j'ai pas de temps. Allô, monsieur? Allô? Mais non, mais au bout d'un moment, moi, je vais réserver une chambre. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah je sais pas, à vous de me le dire, c'est chez vous. Bah écoutez, c'est chez moi, je suis au bureau. Bah vous avez bien du bruit derrière vous en tout cas. Bah non, c'est ça, vous entendez la même chose que moi ou pas monsieur? Comment? Vous entendez la même chose que moi ou pas? Oui, j'entends. Mais vous avez laissé le téléphone d'un client allumé, j'en sais rien. Comment? Vous avez laissé le téléphone d'un client allumé ou pas? Non, bah je suis tout seul, hein. Bah il y a deux secondes, vous m'avez dit que vous étiez avec votre collègue, peut-être qu'elle fait, je sais pas, peut-être que vous en avez... Elle s'occupe d'autre chose, elle est en... Toute la place du marché. Oh la cochonne. Non mais monsieur, il y a vraiment un souci sur la ligne, là. Non mais moi, je veux dormir, bordel, mais putain, mais je travaille, bordel. Oh yeah. Monsieur, vous êtes en direct à la radio là. Ouais, oui, ça va. Eh monsieur, vous êtes en direct à la radio là, putain, c'est quoi votre prénom là monsieur? C'est Gaëtan, mais j'avais compris au bout d'un moment, faut me laisser faire mon travail quand même, je sais que je te dérange, mais bon, bonsoir monsieur. T'es dérangé, tu t'es plus, je te la mange. Mais je peux pas tout faire, moi je peux pas m'occuper des clients, prendre une réservation, aller avec vous au téléphone. Gaëtan, on sait qu'il aime pas les femmes quoi. Comment? En même temps, c'est une bague. Gaëtan, on te dérange. Je me mets avec ma collègue en haut-parleur. Voilà, c'est mignon. Gaëtan, entre nous, ta collègue est célibataire ou pas? Oh là là, quel âge? Comment? À quel âge ta collègue? On l'entend pas parler. C'est quoi le petit prénom de ta collègue? Jocelyne. Ah, Jocelyne. Attendez, je vais vous demander de patienter parce que j'ai des clients qui arrivent. Qu'est-ce qu'on doit foutre? Non mais c'est sérieux quoi. Non mais t'as la radio mec, un petit peu de gentillesse quand même. Non mais Jocelyne, donne-nous ton vrai prénom merde. Ah bah attends, il y a des clients qui arrivent. Pas mal, j'ai les sacs là. C'est vrai, j'ai pas. Mais je peux pas là. Gaëtan, entre j'ai nous. J'ai du monde. Oui. Est-ce que ta collègue s'appelle vraiment Jocelyne quoi? C'est abusé. Attendez, un instant. Ah mais il a pédé sur les bords. Non mais fais ce qu'il veut, stop. Faut pas donner ce nom là, merde. Jocelyne, t'imagines la nana oui. Elle répond au téléphone, elle s'appelle Jocelyne quoi, la honte. Je suis Jocelyne. Oh Gaëtan. Bah, il est chaud en tout cas, il est sympa hein. Ouais, il est cool. Faut lui dire d'écouter Radio Mixfloor. Oui, Gaëtan. Merci en tout cas. Gaëtan, dédicace avant de nous quitter, tu gagnes une télé. C'est pour toi ce soir. Par contre, Gaëtan, si tu veux gagner vraiment la télé, il faut nous donner le vrai prénom de ta collègue parce qu'elle s'appelle pas Jocelyne. De ma collègue. On l'a entendu. Je lui demande. Elle a dit, je m'appelle Jocelyne. Je lui demande. Il sait même pas le nom de sa collègue. Notre gueule, quoi. J'en prends des cons. Non, Gaëtan, si tu nous mitonnes encore, je te promets, t'as pas la télé, mec. Comment? Si tu nous dis encore un faux prénom bidon des années 60, t'as pas la télé. Gaëtan. Bah attends, je vais lui demander si elle est-ce veut. Que tu, c'est est-ce quoi, Gaëtan? On va faire un truc simple. On va lui offrir la télé en direct. Attends, on lui offrira la télé en direct. Gaëtan? Oui. Gaëtan, demande-lui de nous passer sa collègue. Prends une minute de pause et sors dehors. Il y a mon collègue Sam qui arrive avec la télé. Devant l'hôtel, sors dehors en direct. Normalement, il a un camion. Sors dehors en direct. Sam, c'est pour toi. Venir de Paris à Besançon, je pense que la télé serait un peu dure. On n'est pas à Paris, mon pote. On n'est pas à Paris, mon ami. On n'est pas à Paris. Sors dehors tout de suite. Sors. Allez, Gaëtan, tu as 30 secondes. Allez, vas-y, vite. La télé va être à toi. La porte est ouverte. Mais on s'en branle. Envoie ta collègue. Envoie Jocelyne, je sais pas quoi. Envoie là. Sors devant. Regarde, viens, sors. Il reste 10 secondes. Gaëtan, il reste 10 secondes. Allez, Gaëtan. Tard. 8! Allez Gaëtan, vite! 9! 6! J'ai 6. Pas le temps, j'ai non, ça, travailler 8. Moi! Ça fait penser à un faflarage, j'ai 4, pas le temps! 3! 2! 1! C'est perdu! C'est perdu, il est dans le cul, on le chant! Allez, salut! Bon, en tout cas, bah merci Gaëtan pour ta gentillesse ce soir, on te souhaite une très bonne soirée! Mais de rien! À bientôt! Ah, mais Gaëtan, c'est dommage! À vous aussi! T'aurais pris 10 secondes pour gagner à la télé! Ouais! Ah bah c'est pas grave! Entre nous, ta collègue s'appelle vraiment Jocelyne, la mytho? Non, elle s'appelle pas Jocelyne. Elle s'appelle comment? Ça s'appelle Héloïse. Héloïse? Oh merde, prénom de merde quand même. Hein. Bon, je l'appelle Jocelyne. Héloïse, il y a Fanny et Charlotte qui sont avec nous ce soir. Héloïse, moi aussi je suis là. Hello. Tu peux... Ils disent que t'as un prénom de merde. Exactement. Non, moi je dis que c'est mignon. Ah bah elle vous emmerde. Voilà. Est-ce qu'elle a une voix sexy au téléphone? Tu pourrais nous la passer 30 secondes? Eh bah nous on encule, c'est plus profond. Elle est en train de travailler là, pas le temps là. Genre vous travaillez. Moi j'ai travaillé à l'hôtel. On vous appelle, il est pratiquement 23h et vous travaillez à l'hôtel. Arrêtez. Bon, merci en tout cas pour votre gentillesse. Bah oui. Ça fait plaisir, Gaëtan. On est ouvert 24h/24. C'est toujours sur 7. Travail. On peut l'applaudir quand même, Gaëtan, c'est gentil. Merci, Gaëtan. Mouloud du kebab d'en face, il ouvert 24h/24, il casse pas les couilles. Kebab Jean-Marie, si Kebab Jean-Marie. Jean-Marie à côté du sac. Bon, en tout cas, on se souhaite une bonne soirée, Gaëtan. À bientôt. Bonne nuit, ciao. Ciao, mec. Ciao. Allez, en tout cas, il était très sympa finalement. Là. On se fera David Guetta dans quelques instants. Allez, merci en tout cas de passer la soirée avec nous. On est là jusqu'à 23h. Mais attends, j'ai une question. Le défi, on va pas le faire. Hein? Le défi, mais bien sûr qu'on va le faire. On a la bombe, on va le faire. Il reste 2 minutes. Eh vas-y, t'inquiète, on va dépasser ce soir. Il reste juste 2 minutes avant la fin de l'émission. Les heures sup sont payées ou pas? Ouais, va te faire enculer. Voilà, reste avec nous. En tout cas, on est là jusqu'à 23h. En tout cas, merci de passer la soirée avec nous. Ça fait. Il est 22h59 là. Reste avec nous. En tout cas, on bouge pas. Et je vous dis à tout de suite, les amis. Radio Mixplore. Un max de son dance floor.

la baisse son Joe. En tout cas, merci de passer la soirée avec nous. Là, on est là, évidemment, on bouge pas. Comme chaque jour du lundi au jeudi, Alex Libertin. En tout cas, vous êtes très nombreux ce soir. Ça fait plaisir. En tout cas, on est là. Il y a Ben qui est avec nous. Il y a Al qui est avec nous en direct. Ouais. Il y a Quentin qui est avec nous. Pourquoi t'as pas entendu quand t'as parlé? Ah, mais gros, non, c'est toi qui a pas allumé son micro, espèce de gros. T'as pas allumé ton micro, mec. Ah, mais, ah ouais, c'est vrai, c'est Al qui t'a débranché ton micro là. Ah, je me disais, attends, je me disais aussi. Le mec il fait yes. Bah ouais, je me disais, on l'entendait pas, putain. Bon, allez, vas-y, vite fait, parce qu'on a la pole à bord là ce soir. On a évidemment, comme chaque jeudi, le défi, évidemment. Alors que ce soir. En même temps, fais gaffe à ton matériel. Attends, vite fait, il y a le top ou flop, évidemment. Je l'ai préparé quand même. Minimum, top ou flop. Ah ouais, putain, ce soir. On est en retard quand même. Un petit peu là, il est 23h04, 5 à l'instant. C'est jeudi soir, c'est la dernière. On s'en fout. 15€ l'heure supplémentaire. Ouais, bah tiens. Est-ce que Quentin, tu peux me faire un jingle pour le top ou flop? Évidemment, on est en retard là ce soir. C'est le top, le flop, le top ou flop ou flap, le top ou flap, le flap, le flap. Voilà, le retour. C'est le jingle de la Rasque. C'est vraiment le... Bon, le retour. Rassera le jingle. Le vrai. Retour de la France à l'incroyable talent sur M6. Évidemment, avec un nouveau jury cette année, Hélène Segarra, Kamel Wally, Antoine, évidemment, Eric Antoine, là, le magicien, et Gilbert. Est-ce que top ou flop? On en parle ce soir, évidemment, Quentin. Est-ce que c'est top ou flop? Moi, je décroche. Tu sais quoi? Tous les jours, tous les ans, à chaque fois, la même chose. Bah, tu sais, la France a l'incroyable talent là, sur M6. Là. Avec Eric Antoine, c'est ça? Bah, ouais, et puis un nouveau jury, là, Hélène Segarra, Kamel Wally qui sont là ce soir. Ouais, Hélène Segarra, je la retirerai. Ouais, moi c'est nul. Ouais. Eric Antoine, à la rigueur, je le laisse parce que c'est un bon magicien. Bon, après, cette émission, c'est top parce que c'est vrai que t'as des trucs assez pas mal. Ben, ouais, mais voilà, c'est ce que j'allais te poser. Top pour l'émission ou top pour les animateurs? Bon, non, top pour tout. Ah, oh, bah top pour l'émission. Ouais, top, moi, t'aimes bien toi. Ah, je kiffe. Ouais, mais c'est toujours les mêmes choses. Bah, ouais, mais plutôt. Ça revient à la même. C'est comme la Starac ou. Pour changer. The Voice ou. Toujours la même chose, le bordel. Ouais, mais je veux dire, des fois, tu sais, t'as des gens qui font des trucs juste pour faire le buzz ou des trucs comme ça. Ouais. Tu vois, ça c'est mortel. Ah ouais, ouais, ouais, il y en a plein, ouais, qui veulent se faire marquer. Ah, mais il y a personne qui nous invite, c'est chiant. Comme ouais. L'autre qui avait chanté il y a des matings. Ah ouais, ouais, ouais, déjà. Ouais. D'accord. Ah, je sais plus c'était comment ça s'appelle. C'était un belge. Ouais, mais il est devenu connu aussi ouais, par rapport à ça. Connu, hein. Ok, donc plutôt top pour vous la nouvelle émission là, qui débarque bientôt, le retour. Ouais. Enfin, la nouvelle émission, le retour de la France à l'incroyable talent. Ah, ça dépend. Hein. La France a un incroyable talent, mais il y a 80% l'étranger sur l'émission. Ouais, c'est bizarre. Déjà. Et puis ouais, des gens, c'est vraiment pas des talents quoi. Ils sont recrutés, mais c'est pas des talents. Bah, t'as des gens quand même. Bah non, tu vois, les gens ils font des fois de la danse et tout, mais c'est pas des talents ça, la danse ça s'apprend. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est des mois de boulot, mais c'est pas un talent, c'est pas un truc. Les magiciens, c'est du talent. Ouais, les magiciens, c'est du talent. Ok, on est d'accord là-dessus. Les robots qui auront les Jeux Olympiques en 2020 au Japon. Les robots. Pardon, les robots, vous avez entendu. Les robots qui les Jeux Olympiques des robots, c'est ça? Bah, exactement, c'est confirmé, c'est officiel en 2020 au Japon. Évidemment, est-ce que top ou flop à votre flop. Avis? Flop. Ouais, flop. Parce que ça enlève des médailles à des non, personnes humaines. Bah, non, les humains, ils vont le faire, mais ils vont faire aussi un. Bah, je sais, ça sert à quoi? Franchement, ça sert à bah, je sais pas, mais Japon, robots sont... aussi. Bah, les Japon sont très développés sur les robots. Hein. Bah, ouais, mais c'est bidon. Le but, c'est que. Au Japon, t'as des robots branleurs. Ben, il va s'en trouver à baiser qu'un c'est robot. C'est pour éviter que l'humanité devienne de plus en plus con, mais bon. Ben, il va s'en trouver à baiser qu'un robot. Voilà, ouais. J'ai couché avec Cyberhumaine. Oh, le cas était bon. J'ai couché avec R2D2. Non, bon, foncez une lettre dans le cul. Ben, encule-moi. Donc, à votre avis, flop, là, top ou flop, toi, les robots, là? Bah non, les robots non flop. Ouais, flop. Ok, bon, on est tout d'accord. Allez, dernière évidemment, top ou flop. 10 couples parfaits. Une nouvelle émission qui s'appelle télé-réalité en 2017. Oh, alors, bref, la flop, télé-réalité 2017 qui débarque sur NTA. NTA vont aussi faire la télé-réalité. Tant qu'à faire, bon, et tout le monde s'en fiche. Ce sera évidemment 10 mecs, 10 filles qui seront enfermés dans une maison. Et leur but, évidemment, c'est de faire des couples. Et le couple qui aura le plus de monde qui les aime aux avis du public, et ben gagneront une somme. Oh, c'est de la merde. Flop. Donc l'émission s'appelle 10 couples parfaits. Elle débarque fin cet été sur NT1. Donc flop. Flop. Ouais flop. Bah, c'est ouais, toujours de la même chose merde, en fait. Merde, ça revient, comme toutes les il y a rien de nouveau. Ça revient pareil en fait. Ouais, c'est des gens payés. Ça va rien faire foutre. Quoi? Ça va faire deux meufs. Ils vont kiffer le même gars. Ils vont s'embrouiller. Après ils vont s'embrouiller. Ouais, ça va partir en couille. La production va dire comme d'habitude. Embrouillez-vous. On vous donne de l'argent en plus. Merci. Merci. Bonne soirée. On va. Bon, on va 3h09. On va faire le défi. Alors, défi, qu'est-ce que tu nous as réservé, Ben, ce soir dans le défi? Piment moutarde. Ah, mais il a pas ramené le moutarde. Moi je bouffe pas de la moutarde. C'est mort. La moutarde, ça fait 6 mois dans le frigo. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Attends, tu l'as sorti ou pas? De ton cul, ouais. Attends, tu l'as sorti. Tiens. Attends, on donne les moutardes en direct. Attends, on donne. Donc là, je refais un live. Ah oh, putain. Je refais un live vidéo pour les personnes qui n'ont pas suivi tout à l'heure l'appel des hôtels. C'est pas un piment, ça. Donc voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va piquer. Le piment, il fait la taille de ma tube. Bon, les petites. Hein. Ah, non, je plaisante, je rigole. La mienne, quand elle est au repos. Non, mais j'en veux pas, ta moutarde. Ah, regarde la mienne, comment elle part. Bon, juste du gaz, gros. Au gras, du nain qui a pissé dessus. Vas-y, bah bouffe la ta moutarde, je la bouffe pas. Non, c'est mort, je bouffe pas c'est ça. Quoi c'est quoi à faire la moutarde, ça fait 6 mois qu'elle est là. Attends, c'est mort. Ah là, mais c'est dégueulasse, ça. Attends, regarde. Wow, on est en direct, évidemment, là. Et pourquoi tu fais pas en direct sur la page Facebook Radmixfloor? Ah, je sais pas, bah attends, j'ai pas les accès. Les gens qui me regardent là, vous êtes 4. Super, merci. Il faut le dire. Quentin qui est très suivi sur les réseaux sociaux. J'ai du monde sur mon Facebook. Je vais faire un live sur la page Radio Mixfloor. Radio Mixfloor, évidemment. À tout de suite. Dis-leur au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Hein, ils sont... bah, on les a tous distribués là, le gars il est là, tiens. Sur la table, hein, sur la table, putain, il est aveugle. Par contre, les gars, c'est normal qu'il y ait le Père Noël dans le studio. Ouais, c'est un peu bizarre quand même. Putain, il y a l'armée de terre qui débarque dans le studio là, ça rigole pas là. Ah, ils sont pas là pour vendre des cravates ici, hein, croyez-moi. Il a fait merde, le Père Noël est tatoué. Ouais, il a fait Popeye sur son machin. C'est quoi c'est... Il fait. J'adore Johnny Hallyday, il a marqué ça sur son tatouage. Voilà. Alors, non, mais bah, pourquoi tu assis-toi à sa table, hein, Ben, assis-toi à ta place. Non, mais prends le pot de moutarde. Mais vas-y, prends le pot de moutarde, j'en ai rien à foutre. J'en veux pas. Écoute, tu fermes ta gueule, j'en veux pas. De la moutarde, il veut me distribuer la moutarde, j'en veux pas la moutarde. Bon, on fait un live Facebook en direct de la page Facebook Radio Mixfloor. Non, mais j'en veux pas de la moutarde. Je te dis, j'aime pas, j'ai déjà bouffé le piment, ça me fait chier. Non, hein. Non, mais on s'en fout de la moutarde, Ben, au bout d'un moment. Putain, il casse les couilles avec son moutarde. De toute façon, tes piments, c'est pas les piments, c'est les poivrons, mec. Ah, vas-y, bah mange-le entier si tu veux. Attends, assis-toi. Prends le pot. Non, mais la moutarde, c'est dans mes potes, t'es fou, gros. Bah, vas-y, dégage, regarde ta vie, gars, le tapette là. Bah, c'est toi la tapette. Non, c'est pas ça, c'est parce que la moutarde, gros, ça fait 8 mois qu'elle est là. Y'a tout le monde qui a pissé de nain. Allez, vas-y. On est en direct sur la page Facebook Radio Mixfloor, n'hésitez pas à nous rejoindre en direct là. Voilà. Ah, Quentin est en live, y'a que 4 personnes qui le suivent. Non, mais c'est fini, voilà. Maintenant, on est en page. Là, je suis sur la page Facebook, ça y est. Attends, la page Facebook Radio Mixfloor, n'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai pris la main sur la page Facebook. Je fais la moutarde si Quentin et Al font la moutarde. Ah, bah voilà, est-ce que vous faites la moutarde, les gars? Excuse-moi, gros. Mon gars, ça fait 5 ans que je fais l'émission, gros. Genre, le piment et la moutarde, on l'a jamais fait de notre vie, quoi. Vas-y, ferme ta gueule et tu prends. Vas-y, gueule. Prends la moutarde. Moi, je prends pas. La moutarde? La moutarde, gros, elle fait gueule. Ça piconnait. Allez, vas-y, attention. Apparemment. Attention, mais t'as voulu m'attaquer, gros. Montre à la caméra la moutarde que tu as mis, Al. Regarde. Quentin, Brésil. Regarde la moutarde qu'il a mis là. On dirait sur la live vidéo Facebook Radio Mixfloor. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook Radio Mixfloor en live vidéo en direct là. 23h11 là. Merci en tout cas de passer la soirée avec nous. il a commencé. T'as commencé à le manger? C'est quoi cette moutarde de merde? Non, mais Ben, c'est quoi ça? Ah, tu l'as senti. Je l'ai juste senti. Allez, vas-y. Regarde, fais un gros plan sur la moutarde de Ben. Attends, bah avant de goûter la moutarde, non, mais regarde, je vais le goûter. Non, mais Alex, si c'est fort. Attends, regarde le point, fais un point sur la moutarde de Ben. Après, là, tu dis moutarde. Quoi. Piment moutarde, il y a rien. Non, retrempe-le dedans, mec, il y a rien. Écoute, je vais goûter en direct. Ça s'appelle une piquette. Je vais goûter en direct la nature. Ça s'appelle être pas avoir de couilles. Je vais goûter en direct la nature, je vais déjà voir si ça pique. Nature, ok. N'hésitez pas à parler, parce que si je peux pas parler. Non, mais. Je peux pas, j'ai le piment dans la bouche. Toi, on sait déjà que tu vas vomir. Oh ouais, putain. Ça y est, ça va vomir. Il faut un sac ou pas? On va chercher un sac, Ben. Je sais pas où ils sont. Non, mais Ben, moi je le fais, mec, mais tu rajoutes non, de la moutarde. Non. Oh non, mais ça y est, dégueule. Oh non. Oh. Ah, mais c'est normal. J'ai bouffé un kebab. Alors on me dit sur Facebook que la moutarde c'est un truc de bisoutage chez les marines. C'est-à-dire marine à la plage ou qu'est-ce qui se passe? Attends, regarde Alex comment il est pas bien. Ouais, mais lui il a pas l'habitude de. Oh, mais c'est bidon. C'est de la merde la moutarde. Et en plus t'as vraiment dit, c'est ouais, le défi les bidons, nanana. Mais parlez, bande de cons. Non, mais au bout d'un moment on s'étonne tellement de ta réaction, c'est ridicule quoi. Oh merde. Ah là là, ouais, mais par contre, Ben, il est parti, attends, Ben il est vraiment. Parti. Regarde, Quentin, regarde. Fais un gros plan ici, Quentin. Regarde. Là, j'ai de la moutarde sur le piment, d'accord? Tu vois, tu fais le plan? Ouais, c'est bon. Voilà. Et regarde la moutarde de Ben. Au bout d'un moment, il y a foutage de gueule quand même. Il y a rien dessus. Non, mais attends, Ben, bon, on commence à partir, les gars. Ben, on a mis toi ou pas? Ben, ah non, retrempe. J'ai pas remis, moi. Je filme, je suis caméraman. Non, mais non, Ben, retrempe dans la moutarde, c'est quoi ça? Mais si, attends. C'est bon. Non, mais si. Mais non, allez, mais si, retrempe dedans, c'est quoi ça? Y'a rien du tout. Non, pas trop. Mais non, mais on trempe dans la moutarde, c'est ah, tout. Ah, c'est fort. Mais voilà, exactement, c'est bon ça. Oh, j'ai regarde, attends. Attends. T'as mis une goutte, mon pote. Ah, il est en train de pleurer. Regarde, on fait moite-moite. Voilà, vous voyez l'alarme là sur la. Oh, lui. Pour les personnes qui sont sur la page Facebook de Radio Mixfleur. On fait un live Facebook. Eh, gros, j'ai trop bouffé le piment. Eh, vas-y, filme là. Vas-y, Ben, il va commencer là. 23h14. On est censé finir à 23h15. Ah, on s'en fout. Passe le plastique. Non, on s'en fout. On prend l'antenne juste à 23h30. J'ai jamais le temps, regarde, gars. Ah là là. Le truc, il est rempli. Tiens. Tiens, prends-le. T'as demandé le plastique. Eh, tu manges un gros bout comme moi. Allez, Ben, en direct là. Ah. Je vais retirer mon casque. La moitié. Non, mais tu croques un morceau. Eh, eh. Tu prends pas une taffe de PD quoi en même temps. Ah, putain, vas-y. Tu croques un morceau. Un gros bout, allez, vas-y. Ah, eh, tu prends un morceau convenable. Non, mais c'est toi qui as voulu faire le défi, mec. Au bout d'un moment, t'assumes. Hein. Allez, vas-y. Mais allez, Ben, c'est allez, quoi ben. Ça Allez, Ben. Allez! Oh là là! Mais regarde pas ce qu'il y a dans le sachet! Allez, j'ai vomi dedans! Il est déjà en train de vomir, lui! Mais Ben, vas-y, croque! Allez, Ben, t'as voulu faire ce défi, allez, vas-y! Allez, on a déjà un cadre dans le tas! Attends, non! Non, attends, non, croque! Croque! Non, mais là, elle a volé! Oh là là, non, eh, moi je fais pas de défi! Mais t'as rien croqué là, attends! Mais